Après avoir parlé de comment on arrive finalement à observer le tout petit, Johan nous explique comment observer le très loin. L'univers est rempli d'étoiles et autour d'elles tournent des objets divers et variés que l'on appelle parfois planètes. Johan nous raconte comment on observe tout cela et surtout ce qu'on sait sur ce domaine infini. Si, si, j'ai le droit dans ce cas. Nous sommes le 27 janvier 2014 et vous êtes dans Podcast Science 160. Bienvenue! Bonjour tout le monde. Donc autour de la table ce soir, autour d'abord de notre table virtuelle, on a Robin qui est à Paris. Bonjour Robin. Salut. On a Irène depuis la Californie. Bonjour tout le monde, je vous envoie plein de soleil de la Californie. Voilà, elle nous rend jaloux. Et Julie, la grande prêtresse des coulisses qui est depuis les coulisses. Et sinon, à Paris, autour de Paris. la table, la vraie, la physique, il y a Johan, notre invité. Bonjour Johan. Bonsoir. Qui va nous parler d'exoplanètes. Et puis moi, votre nouveau dictateur. Donc au sommaire ce soir, le dossier sur les exoplanètes, un petit retour sur le départ du dictateur déchu de la semaine dernière, le pitch de la semaine prochaine, la côte, le retour sur tous vos merveilleux dons, les plugs, et puis c'est tout. Pour le reste, les retours sur le dossier tout, ce sera au prochain freestyle. Je propose que maintenant on passe au croc de l'épisode, à savoir le dossier sur l'espace avec Johan. Bonsoir. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'exoplanètes. C'est un mot qui est assez récent, mais c'est une question qui est assez ancienne. Depuis l'Antiquité, on parle de ces questions de plusieurs mondes. Et donc, je voulais commencer par deux citations, une de Platon, une d'Épicure, pour montrer, donc au 4e siècle avant Jésus-Christ, pour montrer que c'était des questions qui sont assez anciennes. Donc la citation de Platon, « Afin donc que notre monde fût semblable en unité à l'animal parfait, » l'animal parfait, c'est l'homme, « l'auteur n'en a fait ni deux, ni un nombre infini. » Il n'est né que ce ciel unique et il n'en naîtra plus d'autre. Donc Platon, qui est un défenseur de la thèse d'un monde unique, et Épicure, qui dit: Ce n'est pas seulement le nombre des atomes, c'est celui des mondes qui est infini dans l'univers. Il y a un nombre infini de mondes semblables aux nôtres et un nombre infini de mondes différents. Donc on voit que dès l'Antiquité, la question de la pluralité des mondes s'est activement débattue. Il y a des gens qui pensent qu'il n'y en a qu'un seul, que la Terre est unique, et d'autres qui pensent qu'il y a une infinité de mondes, voire même une infinité de mondes différents. Bien sûr, il y a des questions sous-jacentes derrière ces histoires de mondes, de l'existence d'une autre forme de vie, semblable ou pas à la nôtre, qu'on évoquera un petit peu à la fin du dossier. C'est une question assez intéressante dès qu'on parle d'exoplanètes. Mais sans même parler des petits hommes verts, je voudrais montrer que la question de la singularité de notre monde sous-tend toute l'histoire de l'astronomie à travers l'histoire et qu'elle est loin d'être réglée. Est-ce que notre Terre est unique? Est-ce que notre système solaire est unique? Est-ce qu'il existe d'autres systèmes? Est-ce que leur planète ressemble aux nôtres? Est-ce que on verra que ces incertitudes demeurent, même si les biais d'observation qui ont pu être religieux, philosophiques et qui sont maintenant plutôt techniques ont tendance à changer. Qu'après un rappel historique depuis l'Antiquité jusqu'à la détection des exoplanètes, ce dossier va essayer de décrire les différentes techniques d'observation et leurs biais actuels et essayer de répondre à certaines questions que vous pouvez vous poser sur ces exoplanètes. En fait, ce que tu dis, c'est qu'on observe des exoplanètes depuis un sacré moment, mais que pas toujours pour les mêmes raisons au cours de l'histoire. Non, on observe des exoplanètes, on observe d'autres mondes depuis assez longtemps. On a découvert qu'il y avait d'autres planètes dans notre système solaire depuis assez longtemps. Mais ces exoplanètes, on en a découvert depuis seulement une vingtaine d'années maintenant. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des biais d'observation qui sont maintenant techniques et qui étaient avant plutôt religieux ou philosophiques, qui fait qu'on avait des idées préconçues sur ces mondes, ou qu'on les observe d'une manière et qu'on plaque nos certitudes sur ces mondes-là, qui fait que ça a biaisé l'avancée de cette découverte. D'accord. Voilà. Alors, un bref rappel d'astronomie. On va commencer direct à Ptolémée. Donc, durant 10 siècles de l'Antiquité jusqu'à la Renaissance, en fait, c'est le système de Ptolémée qui domine l'astronomie. Donc, le système de Ptolémée, c'est un système qu'on dit géocentrique, avec donc géo, donc la Terre au milieu du système. Et tout tourne autour de la Terre. Donc le Soleil tourne autour de la Terre. Les autres planètes, Mars, Vénus, Jupiter, qui sont déjà connues à ce moment-là, tournent aussi autour de la Terre. Et même les autres étoiles, en fait, tournent toutes sur une même sphère qui est située à une distance assez loin. Et donc elles tournent toutes sur une même sphère. Du coup, par sa position, la Terre se retrouve assez unique au sein du système solaire, mais aussi au sein de l'univers. La Terre est le centre de l'univers. Puis arrive Copernic à la Renaissance, qui met le Soleil au centre de notre système. Donc c'est ce qu'on appelle un système héliocentrique. Il permet ainsi de réaliser que les autres planètes qu'on avait déjà trouvées, donc je rappelle Mars, Vénus, Jupiter, sont des planètes comme les autres, on est une planète comme les autres, et que Vénus et Mars et Jupiter sont des Terres comme les autres. Donc à partir de ce moment, on perd l'unicité. On peut aller jusqu'à imaginer qu'il puisse y avoir... Et puis, il y avoir d'autres systèmes solaires comme le nôtre. Mais ça, ce n'est pas encore fait autour des autres étoiles. Ça va venir un petit peu après. Donc là, je vais venir au fait, ce que je vous parlais tout à l'heure, des biais religieux et philosophiques. Qu'est-ce qui fait que cette théorie a eu du mal à passer? C'était pas forcément en fait par des biais instrumentaux, plus que des biais métaphysiques. Parce qu'on a toujours tendance à dire, oui, la théorie copernicienne était plus simple et plus logique, expliquait mieux ce qu'on voyait, donc elle marchait. C'est pas forcément vrai, ça, en fait. En l'état des observations, les deux systèmes explique quasiment aussi bien, ou plutôt quasiment aussi mal, ce qu'on voit dans l'espace. D'un côté, il y a Copernic, qui ne connaissait pas exactement les ellipses. Donc les ellipses, je rappelle que les planètes tournent autour du Soleil avec des formes elliptiques, plus que vraiment circulaires. Qui sont des sortes de cercles aplatis. Voilà, une ellipse, c'est un cercle qui a mal tourné. C'est ça. Et donc, comme il ne connaissait pas les ellipses, il y avait une légère différence avec ce qu'on observait vraiment dans le ciel, par rapport à ce qu'il décrivait vraiment avec son modèle. D'un autre côté, si vous essayez de décrire un mouvement, vous imaginez que vous avez plusieurs planètes qui tournent autour du Soleil, nous aussi on tourne autour du Soleil, et vous observez le mouvement d'une autre planète, du coup ça ne colle pas exactement avec un mouvement de la planète qui tourne autour de vous. Du coup, il y avait certaines fois des moments où vous avez l'impression que Mars, par exemple, repartait en arrière dans le ciel. Elle allait jusqu'au bout d'une course, elle repartait en arrière, elle faisait une petite boucle et elle repartait dans l'autre sens. Donc ça, ces problèmes-là, en fait, ont été résolus dans le problème de Ptolémée par ce qu'on appelle des épicycles. C'est un peu comme un spirographe, en fait. C'est-à-dire que vous avez des cercles qui se font dans le sens contraire sur un autre cercle. Et ainsi de suite pour tous les choses comme ça. Et donc... En fait, ça a fait qu'au bout d'un moment, le système est devenu assez compliqué parce qu'il y avait on essayait en fait d'expliquer toutes les bizarreries qu'on voyait dans le système solaire avec juste des cercles qui tournaient tous autour du Soleil ou autour de cercles qui tournaient du Soleil. Ça y est. Donc il y avait des cercles avec l'intérieur d'autres cercles avec l'intérieur d'autres cercles. Je ne suis pas sûr pour le troisième implication, enfin, la troisième inclusion, mais effectivement, il y avait des cercles qui tournaient dans des cercles. Et donc en fait, finalement, un des arguments que Copernic dit pour faire accepter son système, c'est un argument lui aussi philosophique, c'est trop compliqué. Dieu n'a pas pu faire ça comme ça. Il y a une citation que j'ai trouvée donc, de Copernic, « Des révolutions des orbes célestes », donc il a écrit en 1530. Et l'on peut comparer l'œuvre, donc l'œuvre des astronomes adeptes de Ptolémée, à celle d'un homme qui, ayant rapporté de divers lieux des mains, des pieds, une tête et d'autres membres, très beaux en eux-mêmes, mais non point formés en fonction d'un seul corps et ne se correspondant aucunement, les réunirait pour en former un monstre plutôt qu'un homme. En fait, Copernic, là, nous parle du monstre de Frankenstein et nous dit: si on réunit des trucs très beaux comme ça et qu'on les colle et qu'on met des cercles partout, donc il y a la forme parfaite, le cercle, etc., à la fin, ça fait un truc qui est quand même assez moche et qui colle pas avec l'idée qu'on se ferait de la perfection de l'univers. Et Copernic, donc, reste assez respectueux de l'Église et sera jamais inquiété de son vivant. On va sauter ensuite Galilée, Tycho Brahe et Kepler. Je vais reparler après d'eux, parce qu'ils sont quand même importants dans le développement de l'astronomie. Et on va passer directement à Giordano Bruno, qu'il a dit des choses sur la pluralité des mondes et qu'en plus, c'est quelqu'un d'assez rigolo. Donc si Galilée et Copernic, ils ont assez joué avec le feu à l'Église, Giordano Bruno, c'est quand même un des seuls astronomes à finir sur le bûcher. Pas tant finalement pour l'héliocentrisme ou pour sa théorie de la pluralité des mondes que pour le fait qu'il était athéiste, voire anticatholique, sa négation de la virginité de Marie ou sa proclamation que Jésus-Christ n'était pas Dieu mais un simple mage habile. Ah oui, donc lui, il cherchait vraiment. Oui, j'ai des citations après qui montrent que c'était quand même vraiment un William Wallace de l'astronomie. Donc, « Je ne recule point devant le trépas et mon cœur ne se soumettra à nul mortel. Je ne crains rien et je ne rétracte rien. Il n'y a rien à rétracter et je ne sais pas ce que j'aurai à rétracter. Vous éprouverez sans doute plus de crainte à rendre cette sentence que moi à la recevoir. » Donc on voit qu'il a fini sur le bûcher, mais qu'il l'a vraiment bien cherché. Et donc il avait vraiment, c'est plus pour la première fois, qu'il y avait vraiment une théorie d'autre monde, et qui dit donc en 1584, dans « L'infini, l'univers et les mondes, il est donc d'innombrables soleils et un nombre infini de terres tournant autour de ces soleils, à l'instar des sept terres, donc sept terres qui sont la Terre, la Lune et les cinq planètes alors connues, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne, que nous voyons tourner autour du soleil qui nous est proche. » Et donc, on voit tout de suite qu'ici, là, il appelle en fait ces cinq planètes qu'on connaît, il les appelle les cinq terres, et même la Lune d'ailleurs, il les appelle les cinq terres. Et donc là, il veut tellement nier à la Terre son unicité que finalement, il va dire qu'elles sont toutes pareilles, toutes les planètes sont pareilles. Donc là, c'est finalement le biais, mais dans l'autre sens. Il dit, il veut tellement dire que la Terre n'est pas unique que la Lune est une Terre. Et finalement, donc, on ne peut pas parler d'astronomie sans parler de Newton, donc 1643-1727, donc il vient quand même plus d'un siècle après. Il va faire définitivement accepter la thèse de Copernic parce qu'il va proposer pour la première fois une théorie physique, donc un modèle qui permet de calculer avec de calculer physiquement la position, de prévoir en fait la position de ces planètes. Donc cette théorie, c'est la théorie de la gravitation universelle. Et cependant, oui, j'ai trouvé aussi une citation d'Isaac Newton sur la pluralité des mondes. Il garde un biais religieux important qui lui fait penser que tous les systèmes sont exactement identiques au nôtre, au Soleil. Et si donc ces citations d'Isaac Newton, et si les étoiles fixes sont les centres de systèmes semblables, ils seront alors tous construits selon le même concept et sujets à la dénomination de l'un. Donc l'un étant Dieu. Et donc pour lui, en fait, peut-être qu'il y a différents systèmes, mais ils sont tous construits exactement selon le même modèle. Il imagine en fait des systèmes solaires exactement pareils à différents endroits. Et finalement, je vais finir donc cette histoire de la pluralité des mondes en parlant du vulgarisateur français Bernard Le Boyer de Fontenelle, donc qui est lui plutôt au XVIIIe siècle, 1657-1757. Donc dans Entretien sur la pluralité des mondes, c'est lui qui vraiment va vraiment commencer à imaginer en fait plusieurs systèmes de plusieurs systèmes stellaires un peu différents. J'ai mis une illustration dans le dossier d'ailleurs qui est assez intéressante où on voit tous ces systèmes autour de la Terre, autour du Soleil qui apparaissent. Et donc Fontenelle, on n'a qu'à lire sa table de matière en fait de son livre Entretien sur la pluralité des mondes. C'est chaque chapitre de son livre est un soir, donc premier soir, que la Terre est une planète qui tourne sur elle-même et autour du Soleil. Second soir, que la Lune est une Terre habitée. Troisième soir, particularité du monde de la Lune, que les autres planètes sont habitées aussi. Donc là, on voit que tous ces gens-là, finalement, ont très bien accepté la pluralité des mondes. Vu que ça a été difficile de sortir la Terre du centre de l'univers, mais maintenant que la Terre est sortie, il n'y a pas de raison que tout soit finalement tous pareil et qu'il y ait des habitants sur tous ces... Et c'est une théorie assez bien acceptée. Bah, comme vous voyez, donc, Fontenelle, au XVIIIe siècle, dit qu'effectivement, il y a des planètes habitées, comme la Lune est habitée. La Lune est habitée, à l'époque, on croit. En tout cas. Oui, c'est ça. C'est que... Pardon. Au cas où. Ensuite, donc, on va passer donc, de Newton à 95, où là, il y a vraiment un développement de ce qu'on appelle l'astrophysique, donc, qui est l'art, en fait, on passe de l'astronomie à l'astrophysique. L'astronomie, c'est regarder et puis proposer un peu des modèles avec les mains. L'astrophysique, c'est vraiment Newton qui invente ça, c'est qu'on va commencer à mettre des équations et puis essayer de faire tourner comme tout ça et essayer de deviner qu'est-ce qu'une étoile, qu'est-ce qu'une planète, comment ça marche, comment ça se crée, comment ça... Ça, c'est l'astrophysique. Donc, on va définir un peu mieux ce que c'est qu'une étoile et une planète. Une étoile, c'est quelque chose qui brûle du combustible dans l'espace par un processus de fusion. Pour qu'une étoile commence à brûler de l'hydrogène, il faut qu'elle soit assez chaude, qu'elle s'allume. Donc, il faut qu'elle soit assez dense, en fait, parce qu'on peut montrer que plus une étoile est dense, en fait, plus les atomes sont proches les uns des autres. Et du coup, ça va faire une température assez importante pour qu'elle puisse s'allumer. Donc pour qu'elle soit vraiment dense, il faut que la force gravitationnelle soit assez importante pour pouvoir la densifier, donc il faut qu'elle soit assez grosse. Du coup, on a découvert par exemple que la limite pour qu'un objet gazeux soit une étoile est de 0,07 masse solaire. Si on est en dessous, eh ben, on est un peu comme Jupiter, on est une grosse boule de gaz éteinte. Si on est au-dessus, on est une étoile. Ce qui veut dire en fait que ça fait quand même un bon paquet de fois moins gros que le Soleil pour déjà commencer à être allumé. Oui, en fait. Donc quasiment un centième de masse solaire. Donc, il y a des étoiles jusqu'à un centième, quasiment un centième, un cinquantième de masse solaire. Ouais. D'accord. Donc, on en a découvert aussi qu'il y en avait des milliards dans notre galaxie, entre 100 et 400 milliards, et de masse et de luminosité différentes. Une planète maintenant. Donc, une planète, ça a été assez difficile à définir, et c'est encore assez difficile, parce qu'on a vu par exemple que récemment, Pluton a été éjecté du système solaire. Donc, enfin, ouais, je dis ça ironiquement. Pluton est toujours là, c'est juste que. Il y a un club de défense de Pluton voilà. En planète, je crois. D'ailleurs, il y a une anecdote marrante sur ça, c'est au Nouveau-Mexique. Le découvreur de Pluton habitait au Nouveau-Mexique, et du coup, l'Assemblée du Nouveau-Mexique a fait voter une loi pour dire que Pluton était toujours une planète au Nouveau-Mexique. D'accord, au Nouveau-Mexique, on n'a pas le droit de dire que c'est plus une planète. C'est ça. Donc pourquoi? Parce qu'en fait, on a commencé à chercher des critères qui définissaient toutes les planètes, parce qu'on en a trouvé beaucoup. Et donc une planète, ça tourne autour d'une étoile et ça ne brûle pas de combustible. Premier élément qui peut se mettre en fusion, c'est le déthérium. Donc ça veut dire que si on arrive à une certaine masse, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, d'un coup, la planète s'allume. Et donc on a fixé que... Pour une masse supérieure à 13 masses de Jupiter, au-delà, c'était une planète. En dessous, c'était une planète. Au-dessus, c'était plus une planète. Elles peuvent être gazeuses ou rocheuses. Donc, gazeuses comme Jupiter, Uranus, rocheuses comme la Terre ou Vénus. Leur taille et leur atmosphère sont variables, comme on l'a vu dans le système solaire. Et contrairement à ce que pensait Fontenelle, elles ne sont pas toutes habitées. Et en fait, pour le moment, on pense même qu'il n'y en a aucune qui sont habitées. Du système solaire ? Du système solaire, oui. On pense, on n'est pas sûr encore que ce soit le cas ? Je vais y venir après, mais c'est vrai qu'il y a eu des sondes, il y a encore des sondes qui cherchent à découvrir, par exemple, Curiosity, qui est en ce moment sur Mars. Son objectif principal, c'est de vérifier qu'il n'y a pas eu de vie sur Mars, et peut-être même qu'il y a encore des traces d'une vie cellulaire. Et pareil aussi pour Titan, il y a des gens qui pensent qu'il y a des océans d'hélium, et donc pourquoi pas, il pourrait y avoir de la vie. D'accord. Donc c'est pas la question de la vie dans le système solaire n'est pas encore tout à fait réglée, mais c'est vrai qu'on s'attendait à trouver une vie intelligente. Enfin, Fontenelle s'attendait vraiment à trouver une vie intelligente, et c'est on sait qu'il y en a pas. Pour ceux qui calculent vite et qui ont vu que entre la masse maximum d'une planète, donc qui est 13 masses de Jupiter, et la masse minimum d'une étoile, donc 0,07 masse solaire, ce qui fait 83 masses de Jupiter, donc dans cet endroit-là se trouve ce qu'on appelle les naines brunes. Et donc c'est des machins qu'on a encore du mal à définir, qui dans les définitions actuelles ne sont ni des planètes ni des étoiles. Ça sera en quelque sorte des étoiles avortées, des étoiles qui ne se sont pas allumées. On a trouvé quelques-unes, mais on s'attendait à en trouver plus. En fait, on n'en a pas trouvé énormément, donc c'est encore une interrogation. Ça, voilà. Et vu qu'elles ne sont pas allumées, pourquoi, en dehors de la règle pure et simple 13 masses de Jupiter, pourquoi on refuse de dire que c'est des planètes ? Parce que c'est une histoire de deutérium, en fait. C'est que un des éléments qu'on pensait devoir brûler, c'est du deutérium. Et peut y avoir des trucs qui... Et peut, ça peut être, selon leur composition, ça peut être possible qu'elles soient plus grosses que ça, mais qu'elles ne soient quand même pas allumées. Voilà. Mais c'est vraiment juste une question de taille. Parce qu'effectivement, ce que tu disais, c'est qu'une étoile, ça brûle. C'est quelque chose. Et donc, ça, on ne peut pas imaginer un truc plus petit que la taille que tu disais qui brûle. C'est pas qu'une question de composants, quoi. En fait, c'est ce que j'expliquais au début, c'est que pour qu'une étoile commence à brûler, en fait... Il faut une certaine masse. C'est ça. C'est lié. Il faut qu'elle soit assez chaude. Donc, pour qu'elle soit assez chaude, il faut qu'elle soit assez dense. Et pour qu'elle soit assez dense, il faut qu'elle soit assez grosse, assez massive. Et on ne peut pas imaginer quelque chose de suffisamment gros, mais dans lequel il n'y a pas ce qu'il faut pour que ça brûle. Un truc de la masse de Jupiter, non, on ne va pas se mettre à brûler tout seul. Non, ce que je veux dire, c'est un truc de la masse d'une étoile, mais qu'aurait pas des trucs qui brûlent. Si c'est un truc qui est la masse d'une étoile, on a prouvé qu'il y avait une fusion qui se faisait obligatoirement. D'accord. Et la masse était suffisamment importante pour que d'un coup la fusion se mette en place et que ça chauffe. Et puis donc aussi au XXe siècle, donc je vais commencer un peu à en parler, c'est le temps de l'exploration du système solaire, donc on va analyser tous ces mondes. Donc il y a les premières sondes soviétiques, puis américaines, qui ont permis d'aller voir de près la Lune, et puis sa face cachée dès les années 50. Puis dans les années 60, il y a Vénus, Mercure et Mars qui sont approchés. Dans les années 70, on va survoler les grandes planètes gazeuses, donc Jupiter et Saturne. Après, donc, il y a eu une sonde qui a été très très importante pour l'histoire de l'analyse des autres planètes, c'est la sonde Voyager 2, qui a été lancée en 77, et à elle seule, elle va permettre le survol de Jupiter et de ses satellites en 79, Saturne et ses satellites en 81, la seule sonde à rendre visite à Uranus pour le moment, en 86, Neptune, 89. Donc là, on est 10 ans après son... plus de 10 ans, 12 ans après son lancement, elle tourne toujours. Et depuis, elle continue sa lancée, et elle nous apprend toujours des choses, en fait, sur la sortie du système solaire. On pense qu'elle vient de quitter le système solaire, donc en 2013 ou en 2012. Et peut-être deux mots sur cette sonde-là. En fait, elle utilise un effet de fronde en passant autour des planètes, c'est-à-dire l'utiliser la force d'attraction des planètes pour être projetée sur les suivantes. C'est ça. En fait, plutôt, elle n'a pas assez de carburant pour aller en ligne droite en fait, d'une sonde à une autre. Donc, ce qu'elle va utiliser, c'est se rapprocher très près, faire une sorte de tour autour de la planète et repartir dans une autre direction. Donc, utiliser l'énergie gravitationnelle pour continuer à voyager. Donc, les années 90 et 2000, c'est la fin de l'URSS. Pour le spatial, ça veut dire beaucoup, beaucoup moins de sous. Mais il y a quand même eu des sondes qui ont permis une analyse plus fine des objets ayant le plus de chances d'abriter la vie. Donc on a eu par exemple 3 rovers martiens depuis les années 2000. D'ailleurs, je crois que 25 janvier hier, c'était les 10 ans de Opportunity, donc qui est un rover qui est arrivé il y a 10 ans pour une mission nominale de 90 jours. Donc on lui souhaite bon anniversaire. Et il y avait aussi un impacteur sur Titan qui est arrivé... la mission Huygens-Cassini, donc qui a permis de donner des photos de la surface de Titan. Et Curiosity, donc comme j'en parlais tout à l'heure, est toujours en train de continuer sa mission sur Mars. Et la sonde Rosetta est en train de... Donc là, on en a parlé pas mal récemment. Est en train d'analyser les dernières grandes inconnues de nos systèmes solaires, qui sont les comètes. Et donc, on s'est fait à peu près à l'idée que notre planète était quand même assez utile, assez unique dans nos systèmes solaires et qu'il va aller pouvoir chercher ailleurs. Et donc en 95, il y a Mayer et Queloz, donc de l'observatoire de Genève, qui annonce la découverte de la première planète tournant autour d'une étoile de type solaire avec l'instrument ELODI, qui se trouve à l'observatoire de Haute-Provence. Elle a été trouvée autour de l'étoile 51 Pégase, et elle s'appelle donc 51 Pégase B. Donc les astronomes pour ça sont assez originales, c'est-à-dire que si vous avez deux étoiles autour d'une étoile qui s'appelle 51 Pégase, bah, elles vont s'appeler 51 Pégase B et C. Après, s'il y en a une troisième, ça sera D, etc. Et c'est illégal d'avoir un peu plus d'imagination pour les noms? C'est assez... Il y a des gens qui essaient de donner, par exemple, une planète que les gens appellent Osiris, et c'est assez mal vu dans la communauté, parce qu'il n'y a forcément pas assez de mots dans le vocabulaire pour nommer toutes les étoiles. C'est pour ça que les étoiles ont la plupart du temps des numéros, et du coup, si tout le monde commence à donner des noms différents à toutes leurs étoiles, on va se retrouver avec 20 noms pour chaque étoile et plus personne va savoir de quoi il parle. Déjà, il y a déjà facilement 3 ou 4 noms pour chaque étoile en fonction des gens qui les ont découvertes et qu'on a fini par découvrir que c'était les mêmes. Du coup, ils essaient de garder ça simple pour que ça soit compréhensible pour tout le monde. D'accord. Au début, et c'est là où c'est vraiment aussi quelque chose d'un biais mais vraiment personnel, ils se sont dit qu'ils s'étaient plantés, qu'ils vous avaient vu quelque chose de bizarre. Parce qu'en fait, cette planète, ils ont déduit de leurs calculs, donc j'expliquerai après comment ils ont fait les méthodes de détection. Ça fait la moitié de la masse de Jupiter, donc quand même un gros machin. Hein. Jupiter, c'est environ 400 fois la Terre, donc ça fait 200 fois la masse de la Terre, mais située à une distance d'un millième de la distance Jupiter-Soleil. Donc elle était 1000 fois plus près que Jupiter né du Soleil. C'était donc une énorme géante gazeuse qui était tellement proche de son étoile qu'elle a fait le tour en 4 jours. Donc ils se sont dit, on s'est planté, il n'y a rien d'équivalent dans notre système solaire, on a dû... Et finalement, ils l'ont confirmé. Et donc ils ont confirmé un truc qu'ils ne pouvaient pas imaginer, qui n'existait pas dans notre système solaire, qui est ce qu'on appelle une Jupiter chaude. Et au-delà du fait qu'ils ne puissent pas l'imaginer, ça a contredisé la théorie? Ça a modifié la théorie j'en parlerai après, de la formation des étoiles, des planètes. On pensait que les planètes se formaient par disques et puis après accrétion. Et en fait, il y a des gens qui, comme on a trouvé beaucoup de ces Jupiters chaudes, j'en parlerai un petit peu à la fin de ça, qu'on dit est-ce que finalement les Jupiters ne se forment pas près de leur étoile, comme celle-là, pour après migrer. Donc c'est la théorie de la migration. Ça, c'est encore des théories qui ne sont pas encore confirmées. On ne sait pas exactement quel est le fin mot de cette histoire. Pour continuer, donc, avant de passer aux méthodes de détection, je vais un petit peu vous rappeler quelle est la démarche en astronomie. Parce que c'est pas forcément une démarche comme les autres sciences physiques, parce que finalement, on ne peut pas inventer d'expérience pour faire bouger. Par exemple, si vous avez un phénomène physique que vous avez observé, vous allez créer une expérience pour l'observer sur Terre. Là, on est dans des choses qu'on voit à l'extérieur, mais donc on est toujours bloqué sur notre Terre, on ne peut pas aller plus loin que la Terre, et du coup, on essaye d'observer le ciel. Et donc, il faut, finalement, c'est une science qui est un peu particulière, où on a un nombre très limité d'expériences qu'on peut faire et d'observables qu'on peut trouver. Donc, et quand tu dis on observe, c'est que c'est tout ce que vous pouvez faire, vous ne pouvez rien faire d'autre que observer. Bah, on ne peut pas envoyer des choses là-bas pour le moment. C'est encore assez, même dans un avenir assez lointain, c'est difficile d'envoyer quelque chose, observer une planète ou une autre étoile que le Soleil. Donc on est coincé par... Donc on peut développer des instruments de plus en plus gros, mais on sera toujours les pieds sur Terre. C'est un peu comme voir un phare dans la nuit et vous êtes sur un bateau. Vous n'allez pas vous jeter à l'eau pour aller voir le phare en pleine nuit, c'est une mauvaise idée. Mais vous avez besoin d'avoir le maximum d'informations sur ce phare. Donc combien vous êtes par exemple, la distance, la hauteur du phare, la puissance, la marque de l'ampoule, l'âge du gardien. Vous voulez avoir le maximum d'informations sur ce phare, sauf que vous n'avez pas le droit de quitter le bateau. Donc on a accès par la mesure à certaines informations. Par exemple, vous avez la puissance lumineuse reçue au niveau du bateau, si vous avez un instrument qui mesure la puissance lumineuse. L'angle entre la mer, donc l'horizon, et puis le phare, ça vous donne une certaine hauteur, voilà. La couleur de la lumière, est-ce qu'elle est jaune, verte, rouge. On a aussi accès à un certain nombre de lois physiques. Donc la loi, par exemple, de la propagation de la lumière. Donc si vous êtes capable de dire que... Vous pouvez imaginer, par exemple, qu'une loi qui dit que la lumière se propage en ligne droite sur quelque chose d'aussi court que votre distance phare au bateau. Donc ça vous dit, OK, la lumière se propage en ligne droite, pourquoi pas. Vous connaissez, par exemple, aussi la courbure de la Terre, et donc ça peut vous donner des informations pour calculer des distances, si vous avez une idée de la courbure de la Terre. Donc plus il y a de lois de physique, plus vous allez pouvoir affiner les informations que... Et finalement, c'est ça, en fait, l'astronomie. Si on connaît un certain nombre de lois, on connaît un certain nombre d'observables, et en combinant ces deux choses comme ça, on va en déduire des caractéristiques du phare. Donc, si vous connaissez parfaitement la distance et que vous mesurez la puissance reçue, bah, vous allez pouvoir en déduire le pourcentage de lumière qui vous vient du phare, et donc la puissance totale du phare. Et donc, vous allez pouvoir avoir des informations sur l'ampoule, par exemple. Et donc, à chaque fois que vous, par une méthode, vous déduisez une information, vous allez pouvoir une déduire par d'autres informations, par utilisant d'autres lois, d'autres informations. Et donc, on débloque comme ça. Et c'est finalement ce qu'on va faire, en fait, en astronomie. C'est-à-dire qu'on a toujours, depuis quasiment le XVIIe siècle, on a à peu près toujours le même nombre d'informations sur les étoiles. Et en affinant ces informations et en développant d'autres théories physiques, on a réussi à très bien connaître les étoiles. Donc, l'étoile, c'est le phare, et la Terre, bah, c'est notre bateau. Et on a accès à trois mesures, donc, comme je dis depuis, je pense, le XVIIe siècle. Hein. On a accès au spectre de l'étoile, donc ça, c'est la couleur de l'étoile, en fait. Donc, je vais dire exactement qu'est-ce qu'on va pouvoir déduire de cette information-là. La position dans le ciel en fonction du temps, parce que donc on pense que c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, l'étoile va bouger dans un sens ou dans l'autre. Et la puissance émise. Et puis d'un autre côté, bah, donc, on a toute une panoplie de lois physiques qui, elles, se sont développées depuis le XVIIe siècle, qui sont plutôt bien vérifiées sur Terre et donc qui vont donner plein d'informations sur les étoiles. Par exemple, un peu de géométrie simple, en fait, vous allez calculer en décembre la position d'une étoile dans le ciel, vous allez calculer en juillet la position d'une étoile dans le ciel, et ça, en fait, ça va vous donner deux positions, le même objet qui est au même endroit par rapport à vous, sauf que vous, vous avez bougé entre-temps bah, de deux fois la distance Terre-Soleil. Et donc, à partir de ça, c'est un peu comme les... C'est la même façon que les yeux fabriquent la 3D, en fait. À partir de ça, c'est comme ça que les yeux arrivent à vérifier que l'objet et une certaine le cerveau arrive à évaluer une distance. Et bien, donc, c'est exactement la même méthode qui va nous permettre de dire à quelle distance sont les étoiles. Donc, à partir de ça, par exemple, vous allez pouvoir déduire des distances. C'est ce qu'on appelle la méthode de la parallaxe. À partir de cette distance, et comme on connaît la puissance émise, la puissance qu'on reçoit, nous, sur Terre... Et bien, donc, on peut en déduire une puissance émise par l'étoile, par exemple. Donc, c'est encore la même chose, c'est toujours, vous avez une loi, vous avez une information, vous en déduisez d'autres choses. La théorie donc l'électromagnétique va permettre, à partir de l'étude du spectre, donc à partir de l'étude de la lumière de cette étoile, vous allez pouvoir en déduire si elle est plutôt chaude, si elle est plutôt froide, sa composition, donc si elle contient de l'hélium, du fer, de plein d'autres éléments. Donc, ça, c'est des théories qui sont assez bien connues sur Terre et donc qui permettent de décrire assez bien ces étoiles. Et puis finalement, on a les lois des transferts de chaleur, donc transfert radiatif, et la loi de la gravitation, les lois de la gravitation même, parce qu'après Newton, donc il y a eu Einstein, qui nous renseignent en fait sur comment l'énergie circule dans l'étoile en fonction de sa masse, de sa taille et de sa densité. Donc, dans le dossier, vous pourrez voir, j'ai mis quelques exemples de ces lois donc, qui sont assez intéressantes, qui relient la luminosité, la masse, le rayon, la température de l'étoile. Et donc, en fait, on se joint à ce petit jeu de je trouve une information, je la rentre dans une autre équation, je trouve une autre information, je continue. Il se trouve qu'en fait, on connaît très bien maintenant les étoiles. On a pour beaucoup d'étoiles un âge, une taille, un rayon, une luminosité, une distance. Et donc, en utilisant ces combinés, ces étoiles et en combinant avec d'autres lois, on va pouvoir définir aussi des idées sur ces planètes qu'on trouve autour de ces étoiles. Toujours avec l'analogie du bateau et du phare, et bien, si vous voyez de temps en temps que la lumière diminue, et bien, vous pouvez déduire que le gardien il est passé devant la lampe parce qu'il est allé allumer sa pipe et donc vous allez en déduire sa consommation de tabac. Aujourd'hui, donc j'ai parlé maintenant des méthodes de détection des planètes. On connaît environ 1000 exoplanètes confirmées et on a aussi des milliers de candidats, donc c'est des découvertes. On a vu un truc, on pense qu'il y a un truc, mais on n'a pas encore eu le temps d'aller analyser pour aller confirmer cette planète. Alors je vais être atroce en face de gens qui sont dans le domaine, etc., mais 1000, c'est rien du tout en fait. C'est peu ou pas beaucoup, c'est-à-dire que les premières années, on en a trouvé deux dans l'année, donc en 95, deux ou trois. Quoi. Puis en fait, dès qu'on a commencé à mettre des instruments, on a commencé à en faire une moisson et en trouver beaucoup. Après, si on calcule le nombre, enfin si on pense le nombre qu'il y en a, comme je vais y venir, pour le moment, on trouve que les grosses, très près de leur étoile, mais on a réussi à faire des statistiques sur ces grosses qu'on trouve près de leur étoile, en fonction de la masse, etc. On a trouvé une probabilité en fonction de la masse et du rayon. De en trouver, et on pense que cette probabilité évolue avec des rayons plus petits. Donc ça veut dire que plus on va affiner, plus on devrait en trouver, en fait, et de plus en plus petites. Et donc, maintenant, comme je le disais dans le teaser que j'ai passé la semaine dernière, on pense une estimation de une planète par étoile, c'est pas quelque chose de complètement fantaisiste. Et comme je l'ai dit, il y a 300 milliards d'étoiles dans la galaxie. Donc en fait, 1000 exoplanètes, c'est rien du tout, en fait, pour le moment. On va pouvoir en trouver beaucoup, beaucoup plus. On est au début, quoi, ce qui doit être assez excitant. Mais voilà, ça fait que 20 ans qu'on en cherche, et ça va en augmentant très, très vite, en fait, le nombre d'exoplanètes. Il y a encore 5-6 ans, on n'en avait que 300. Alors, la première méthode, donc là, je vais vous parler des différentes méthodes et des biais, en fait, qu'elles impliquent. La première méthode qu'on utilise, c'est pas la première historique, d'ailleurs. J'aurais peut-être dû les mettre dans l'ordre historique, mais bon. C'est celle qui est la plus simple à comprendre, qui nécessite pas particulièrement de loi physique. On va regarder la luminosité d'une étoile pendant un certain temps, et on va chercher les baisses. C'est exactement comme je vous disais tout à l'heure, on va attendre que le proprio du phare passe devant l'ampoule. Si elle baisse, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est passé devant. Assez simple comme théorie, effectivement. Pour confirmer cette planète, il faut quand même qu'on vérifie que cette baisse est périodique. C'est-à-dire que ça arrive tous les je sais pas combien de temps. Parce qu'en fait, on ne peut pas avoir une baisse qui soit... Enfin, que ça varie sans que quelque chose soit passé devant. Si, mais on cherche des baisses assez importantes, justement. On connaît très bien les étoiles, encore une fois. On a très bien analysé le Soleil. Et donc, on sait qu'il y a aussi des gens qui cherchent des variations dans les étoiles qui ne sont pas dues à des planètes. C'est ce qu'on appelle l'héliosismologie. Hélio-soleil, sismologie, les tremblements de terre. Et qui cherchent les variations de luminosité de D'accord. l'étoile et qui peuvent en déduire sur les modes de vibration d'une étoile. Là, on cherche quand même des trucs qui sont quand même un peu plus importants. C'est assez difficile de voir les variations de lumière d'une étoile depuis la Terre, à part certaines étoiles particulières, un petit peu techniques, donc je ne rentrerai pas ici. D'accord. Donc effectivement, si on observe une baisse, c'est que, enfin, ça peut être autre chose, mais majoritairement, ce que ça peut être, c'est qu'il y a deux étoiles qui sont quasiment alignées, il y en a une qui va passer devant l'autre, et du coup, à un moment où vous avez deux étoiles, l'étape d'après, vous n'en avez plus qu'une, et l'étape d'après, vous en avez encore deux, donc vous allez avoir une baisse de luminosité, et ça, en fait, une des méthodes pour l'enlever assez facilement, c'est de regarder la périodicité, parce que cet événement n'arrive pas tous les jours, et donc normalement, ça devrait. Seul problème de la périodicité, c'est qu'il faut observer pendant assez longtemps l'étoile en question. Par exemple, si on est sur une autre étoile, et on cherche à trouver la Terre en observant le Soleil. La Terre, elle fait un tour du Soleil en un an, donc ça veut dire que pour être sûr de sa détection, pour avoir une détection confirmée, il faut observer 3, 4, 5 ans en continu, tout le temps, pour observer 3 ou 4 variations de cette luminosité. Donc c'est des méthodes qui prennent du temps, c'est aussi pour ça que ça a mis du temps à découvrir. Donc pour confirmer ces planètes, il faut du temps d'observation. Qu'est-ce qu'on peut déduire en fait comme information à partir de ces méthodes-là? Donc encore une fois, je vous dis, on connaît rayon, masse et luminosité de l'étoile. Et donc si vous regardez l'amplitude de cette baisse, ça va vous donner en fait la part de l'étoile qui a été cachée par la planète. Donc ça va vous donner en fait la taille relative de la planète par rapport à l'étoile. Comme encore une fois, on connaît très bien le rayon de l'étoile, on va pouvoir en déduire un rayon de la planète. La période du transit, donc tous les combien de temps on la croise, ça va vous permettre de trouver donc le temps d'orbite, donc par exemple un an pour la Terre, et ça va vous permettre aussi de trouver la loi distance étoile-planète grâce à la relation de Kepler. Je vous avais dit qu'on reviendrait à Kepler tout à l'heure. Donc Kepler, c'est quelqu'un qui a inventé une loi donc on sert encore aujourd'hui, qui est ce qu'on appelle la troisième relation de Kepler, et qui dit que pour toutes les planètes d'un système, la distance à la planète au cube divisée par le temps qu'elle met à faire le tour au carré est une constante. Et donc ça, c'est quelque chose d'assez fascinant parce que c'est une loi qui marche encore très bien. Enfin, Newton a réussi à la prouver avec sa théorie, lui, il l'avait trouvée empiriquement. Et donc, il a dit que Mars, si on prenait sa distance au Soleil et qu'on la divisait par le temps qu'elle mettait à faire l'orbite, et là, c'était égal à la même chose que si on faisait la même chose pour Vénus, pour la Terre. Et donc, encore une fois, il faut faire attention, c'est une constante qui dépend du système. C'est-à-dire que si vous prenez, par exemple, on peut aussi faire cette relation pour les satellites de Jupiter, mais ça sera une constante différente. Mais ça sera la même pour tous les satellites de Jupiter. Ça sera la même pour toutes les étoiles, les planètes du système solaire. Et donc, si on a le temps que met une orbite, donc ça, je vous dis, on peut l'avoir par le phénomène, est-ce qu'il est cyclique ou pas, on va pouvoir avoir une distance à l'étoile. Et ça n'a rien à voir avec la loi des airs. Si, c'est ce qu'on appelle la loi des airs, c'est la deuxième loi de Kepler. Donc, c'est une des trois lois qu'il a découvertes. D'accord, mais c'est pas la première. C'était ce que je me demandais. Non, c'est pas la même, mais c'est un truc... C'est aussi Kepler qui l'a découvert. La loi des airs, qui est tout aussi intuitive, c'est de dire que l'air parcouru par une planète, c'est-à-dire... Si on prend son étoile et puis que ça parcourt d'un point A à un point B, le sorte de morceau de camembert que ça parcourt est constant pour une unité de temps donnée. Voilà. Mais donc, ça n'a rien à voir avec ce dont parlait Johann Lann. Mais c'est encore une fois Kepler qui... Tout à l'heure, je disais que Copernic n'avait pas inventé les ellipses et que sa théorie était un peu bancale pour ça. Et en fait, c'est Kepler en fait, qui va vraiment donner un bon coup de pouce à la théorie copernicienne. C'est lui qui va inventer les ellipses avec toutes ces lois qui en déduit, là, qui fait un petit peu de manière empirique. Et en fait, des lois, c'est simple, en fait. Oui, qui sont des lois assez simples. Et en fait, quand il va d'un coup découvrir l'ellipse, il va dire, en fait, Mars, c'est pas un cercle qui est fait autour du Soleil, c'est une ellipse. Et là, d'un coup, ça va se mettre à coller magnifiquement bien et ça va devenir très simple, en fait, par rapport au système copernicien. Et donc, tout ça, c'est ces lois, donc on se sert encore, qui sont découvertes il y a 450 ans. Donc, par contre, avec cette méthode, on peut pas trouver la masse, parce qu'on sait pas trop. Mais donc, je vais y venir avec d'autres méthodes, combinées avec d'autres méthodes, on va pouvoir. L'inconvénient majeur, quand même, de cette méthode, c'est qu'on peut voir quand même un nombre très, très, très, très petit de planètes. En gros, vous pouvez voir que les planètes qui passent entre vous et leur étoile. Ce qui fait un sacré petit espace. Ce qui fait il faut que ce soit un angle. Donc voilà, ça veut dire que si, en imaginant même qu'elles soient très, très, très, très près de leur étoile, vous avez un angle quand même assez grand, mais quelques degrés. Mais si la planète, si l'angle entre la planète, étoile, planète et étoile vous est plus grand que quelques degrés, en fait, vous n'allez pas la voir passer l'une devant l'autre et donc vous la détecterez pas. Donc, vous pouvez faire assez facilement les statistiques, sachant que cet angle-là, en fait, est quand même assez aléatoire. Vous allez en découvrir qu'un très petit pourcentage de planètes qui tournent autour de leurs étoiles. C'est pourquoi, d'ailleurs, les planètes qu'on a découvertes ainsi, c'est celles qui sont souvent assez proches de leur étoile. Donc, c'est souvent, en fait, des Jupiter chaudes dont je parlais tout à l'heure. Et du coup, ça nous donne un échantillon pas du tout représentatif. Non, ça, donc, c'est un biais de mesure particulièrement important, c'est qu'on va découvrir les trucs qui sont très gros et qui passent toujours sur le même angle. On pourrait croire que l'univers est plat. Voilà, ça pourrait nous donner l'impression que parle du plan de l'écliptique, donc pour le système solaire, toutes les planètes orbitent à peu près dans le même plan, et donc on pourrait croire qu'effectivement ce plan-là est un plan universel et que voilà, c'est pas vrai. Donc la plupart des systèmes solaires orbitent dans un plan, mais qui n'est pas le même. Chaque étoile a son plan. Donc, avec cette méthode-là des transits, on a trouvé 424 planètes pour le moment, donc dans 321 systèmes différents. Ah, ça, c'est vrai que j'ai oublié d'en parler, c'est qu'on a trouvé aussi pas mal de systèmes, donc j'y reviendrai à la fin, avec plusieurs planètes dedans. Il y a eu deux missions spatiales importantes pour ça. Pourquoi spatiales ? Parce qu'en fait, tout simplement, il faut un truc qui regarde en permanence une étoile, comme je vous l'ai dit. Et donc, c'est pratique pour ça de mettre un satellite. Donc, on a mis Kepler et Corot. Corot, qui était le satellite français, et Kepler, qui était comme l'astronome, c'est pas hasard, qui a été lancé par la NASA. Et donc, ces satellites-là, je crois qu'ils ont observé au moins deux ou trois ans, pendant deux ou trois ans, un certain nombre d'étoiles sans bouger. Voilà, ils observaient en continu ce certain nombre d'étoiles. Et puis, quand le Soleil passait trop près, en fait, ils ont tourné et ils ont fait deux ou trois ans dans l'autre sens. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas détecter des trucs qui. Deux ou trois ans, ça veut dire qu'on n'a pas pu faire détection au-delà de 6-7 mois de période. C'est ce qui... Donc, par exemple, on n'aurait pas pu trouver la Terre, un truc qui était à la distance de la Terre. Mais on a quand même pu en observer en fait, un paquet. Et en fait, on a aussi des milliers de candidats qui attendent une confirmation par une autre méthode. On n'est pas totalement sûr qu'il y ait, donc on préfère avoir une autre méthode qui les confirme. Et donc, il y a des milliers de candidats qui attendent leur tour. Et c'est très pratique, en fait, ces deux missions-là, parce qu'on a pu commencer à faire plein de statistiques sur ces étoiles, sur ces planètes. Et ce que je vous disais, par exemple, tout à l'heure, que plus elles sont petites, plus il y en a. Ça, c'est ce genre de choses qui sont issues de la mission Kepler et Corot. Quand tu dis qu'elles attendent une autre méthode, c'est une autre méthode qu'on connaît ou c'est en attendant qu'on trouve de plus. C'est une autre méthode, je vais y venir. C'est la méthode qu'on trouve actuellement. Voilà. Avec cette méthode, on a aussi trouvé la plus petite planète à ce jour. Donc c'est Kepler-64b, qui a un rayon de 0,3 rayon terrestre. Donc c'est quasiment le rayon de Mercure. Donc ça, c'est quand même assez impressionnant. C'est quelque chose de vraiment tout petit. Et encore une fois, c'est quelque chose qui passe très, très, très près de son étoile. C'est un truc qui est collé à son étoile quasiment. Et là, il n'y a pas des effets de diffraction ou autre qui empêchent de la voir, en fait Encore une fois, on observe. C'est une méthode indirecte. C'est-à-dire qu'on va juste regarder la baisse de luminosité. On regarde juste le nombre de photons qui nous arrivent à un moment. Et puis, si on voit qu'il y a une baisse, comme sur l'image que j'ai montrée. Donc, on ne voit pas. Le dessin, d'ailleurs, est un peu trompeur parce qu'on a l'impression qu'on pourrait voir la planète. En fait, on ne voit pas la planète. C'est une méthode vraiment indirecte. D'accord. On sait qu'elle est là, mais on ne l'a jamais vue. On voit son effet sur l'étoile. On va voir un peu la foi. C'est ça. C'est pour ça qu'on doit les confirmer. C'est plutôt pratique. C'est bien d'avoir par deux méthodes différentes. Comme ça, ça permet d'être un peu sûr. Voilà. Alors, ensuite, il y a les vitesses radiales. Et donc ça, c'est la méthode qui a trouvé le plus de planètes à jour. C'est encore une méthode indirecte. C'est-à-dire qu'on ne va pas voir la planète, mais on va aussi deviner son effet. Donc c'est aussi cette méthode qu'on a trouvé la première, par exemple, l'exoplanète, donc celle dont je vous ai parlé tout à l'heure, 51 Pegasi B. Encore une fois, B, ça veut dire que c'est la première planète découverte autour de l'étoile 51 Pegasi. Comme tout à l'heure, Kepler 64 B, c'était celle qui était découverte. C'était la 64e planète trouvée par Kepler, qui s'appelait donc Kepler 64 B. Et elle va utiliser l'effet Doppler. Donc rapidement, l'effet Doppler, c'est l'effet de l'ambulance qui passe vite dans la rue. Quand l'ambulance arrive, vous avez l'impression d'entendre un son, et quand il vous double, la longueur d'onde du son va changer. Vous avez l'impression d'avoir entendu une autre note, va... et réaccélérer après. Et en fait, ça, c'est ce qu'on appelle l'effet Doppler. C'est-à-dire que si une onde est émise par quelque chose qui a une certaine vitesse par rapport à vous, donc ce qui peut être qui s'éloigne ou qui se rapproche, vous allez avoir un léger changement de sa période, de sa longueur d'onde. Donc en mesurant le changement de note de l'ambulance, on arrive à déterminer sa vitesse. C'est ça, on peut déterminer sa vitesse. Donc si l'étoile a tendance à se rapprocher de nous, donc l'étoile a un mouvement par rapport à nous constant, parce que tout bouge dans l'univers, les étoiles bougent les unes par rapport aux autres, donc ça on considère que c'est à peu près constant. Donc par exemple, là, l'étoile s'éloigne, et puis d'un coup vous avez l'impression qu'elle s'éloigne un peu moins vite. Comment est-ce que vous avez l'impression de ça? Et bien, vous allez regarder encore une fois, regarder la longueur d'onde, écoutez l'ambulance, et vous allez voir que sa lumière va changer, donc se bleuir un petit peu, remonter les couleurs de l'arc-en-ciel pour devenir un peu plus bleu. Et donc ça veut dire que, bah, effectivement, elle va un peu moins vite par rapport à vous. Et puis, au contraire, si elle rougit, si le spectre se décale un petit peu vers le rouge, ça veut dire qu'elle va un peu plus vite qu'avant par rapport à vous. Et encore une fois, bah, si c'est périodique, et que vous avez donc quelque chose qui est bleu, puis qui est rouge, puis qui est bleu, puis qui est rouge, et bien là, vous allez dire, bah, c'est quelque chose qui la tire et qui la pousse vers nous. Donc, qu'est-ce que ça peut être, par exemple? Bah, une planète qui tourne autour, et qui la tire et qui la pousse alternativement. Donc, si c'est périodique, on a une planète. Qu'est-ce qu'on peut déduire? Si on a l'amplitude du cycle, donc à quel point elle est tirée, à quel point elle est poussée, on a en fait, c'est l'importance de la perturbation gravitationnelle induite par la planète. Je vais répéter doucement. L'importance de la perturbation gravitationnelle, et donc ça vous donne en fait directement la masse de la planète. Vous allez voir comment est-ce que la masse de l'étoile va être perturbée par la masse de la planète. Ça marche très bien quand il y a une planète autour d'une étoile, mais s'il y en a plusieurs... C'est une très bonne question. Après, en fait, c'est que si vous avez plusieurs planètes, bah, vous allez voir en fait votre étoile qui fait du yo-yo, en fait, enfin, qui va bouger dans tous les sens, qui va être tirée et poussée dans tous les sens. Là, en fait, ce qu'il va falloir utiliser, c'est un modèle, en fait. Vous allez, informatiquement, vous allez poser 5 planètes, par exemple, regarder ce que ça fait, et en fait, trouver le modèle qui colle le mieux à ce que vous voyez. Donc, ça veut dire que vous allez avoir des... Encore une fois, ça veut dire qu'elle va un petit peu vers vous, puis après, un petit peu vers la gauche, un petit peu vers la droite, un peu moins vers vous. Donc, vous allez avoir une étoile qui bouge dans tous les sens, et du coup, vous allez dire, eh ben, informatiquement, ce qui colle le mieux à ce qu'on voit, c'est 1, 2, 3, n planètes, et vous allez regarder ce qui est le plus probable. Et donc encore une fois, bah donc là ce que je vous dis, c'est que c'est facile en fait de trouver la masse. Si vous avez donc le temps, on a toujours la loi de Kepler, hein, donc comme on connaît le temps qu'émet à faire le mouvement, et bah donc on va pouvoir en déduire des temps donc la loi de Kepler, on va pouvoir déduire sa distance, etc. Et donc en combinant transit et vitesse radiale, en fait on va connaître parfaitement la planète. Parce que par exemple on n'a pas accès au rayon avec celle-là, on ne peut pas trouver le rayon de la planète, on sait juste qu'elle a une certaine masse, mais on ne sait pas exactement quel point elle est grosse ou petite. En combinant donc ces deux méthodes, on va connaître parfaitement la planète. Ah, attention, je dis parfaitement, mais on connaît que ses paramètres orbitaux. C'est-à-dire qu'on va pas connaître sa température, on va pas connaître ce qu'elle a une atmosphère ou pas, on va pas connaître la composition de son atmosphère. On va pas savoir comment s'appellent les habitants. Exactement. On va effectivement avoir pas mal d'inconnus encore. Et donc ça va être une partie après que je vais appeler la méthode directe. Rapidement aussi, je vais présenter donc qu'est-ce qui a été trouvé avec ça. Voilà, donc avec cette méthode, par exemple, on peut trouver des étoiles qui sont un peu plus loin de leur étoile, parce qu'on est plus limité par le fait qu'elles doivent exactement passer entre nous et lui. Et on peut voir dans tous les plans, et encore j'ai mis ça, mais c'est pas exactement vrai, parce que si la planète, ce que je vous ai dit, c'est que la vitesse, c'est la vitesse radiale, c'est-à-dire que vous allez voir que les changements de vitesse par rapport à vous. Donc si la planète tourne dans un plan exactement perpendiculaire à la direction, vous allez faire bouger l'étoile, changer la vitesse de l'étoile dans l'autre plan, et ça vous allez pouvoir le voir. En gros, ça veut dire que si l'ambulance change de voie, mais qu'elle continue à accélérer de la même vitesse par rapport à vous, vous n'allez pas pouvoir le voir, l'entendre. Donc là, c'est la même chose. Donc, on a accès à quand même beaucoup plus de planètes. Donc ça, c'est quand même mieux par rapport à la vitesse des transits. C'est la méthode, donc je l'ai déjà dit, ça, qui a permis de trouver le plus de détections. Donc on en est à 539 planètes pour 405 systèmes différents. Et la plupart, en fait, ont été trouvées par l'équipe de Bayer et Kellos, qui sont deux scientifiques suisses qui sont très connus, en fait, en exoplanétologie actuelle, parce que c'est eux qui ont trouvé la première et qui continuent à en trouver un paquet. Donc ils sont à Genève, avec les premiers instruments s'appelaient Elodie et le suivant s'appelait Sophie. Autant les planètes, on n'a pas retenu des noms farfelus, autant les instruments, c'est les noms des filles des inventeurs. C'est ça. Donc cette méthode a aussi permis la première détection, ça je l'ai déjà dit. Et c'est aussi celle où on a eu donc celle avec le système avec le plus de planètes à ce jour. C'est une étoile qui n'a pas un nom très agréable, c'est HD 1080. Et donc on sait qu'elle a au moins 7 planètes et peut-être 9. Donc pas encore confirmé 9. Donc encore une fois, là, c'est un système. On a mis un truc avec plein de paramètres et on a minimisé la probabilité, on maximisait la probabilité et on a dit que la probabilité maximum c'était qu'il y ait au moins 7 planètes, voire 9. Voilà. Donc maintenant on va passer donc à la méthode directe. C'est celle qui est donc la plus débutante. C'est celle qui, donc on a trouvé la première planète en 2006. Tu veux dire la plus récente? La plus récente, oui. Mais quel est l'avantage en fait? C'est que la détection directe, donc encore une fois, pourquoi j'appelais ça des détections indirectes avant, c'est qu'on ne voyait pas la planète. On voit juste son effet sur l'étoile. Pour voir directement la planète, c'est qu'il faut réussir à capturer certains des photons de la planète. Le problème, c'est que l'étoile, elle est plusieurs de fois, milliards de fois plus lumineuse que sa planète. Encore une fois, je reprends l'exemple tout à l'heure. Si quelqu'un se trouve très très loin sur une autre étoile, sur une autre planète, et essaye de nous trouver nous, et bien donc s'il a des instruments péchus, il va réussir à observer donc Jupiter. S'il arrive à trouver donc le ratio de luminosité entre le Soleil et Jupiter, c'est 10 millions. C'est-à-dire qu'il y a pour un photon de Jupiter qui arrive aux yeux de cet observateur extraterrestre, cet exoplanétologue extraterrestre, pour un photon de Jupiter, il y en a 10 millions qui lui arrivent du Soleil. Si vous chercheriez la Terre, c'est 10 puissance 11, donc 100 milliards. Donc ça veut dire que vous cherchez quand même une aiguille dans une botte de foin. Là où ça serait encore simple aussi, c'est que c'est quand même aussi des objets qui sont très très très très proches, donc environ 0,1 seconde d'arc. Donc ça, c'est une unité d'astronome. Une seconde d'arc, ça veut dire que c'est un 1/60 d'une minute d'arc, jusque-là c'est logique, qui est 1/60 de degré. Donc ça veut dire que 0,1 seconde, c'est 1 sur 36 000 degrés d'écart dans le ciel. Donc ça veut dire que c'est des objets qui sont exactement très très proches, quasiment collés et avec des différences énormes de luminosité. Si je peux vous donner un exemple de grandeur, et c'est même pas, là c'est des ordres de grandeur que c'est pour trouver quelque chose comme Jupiter ou la Terre, ça serait comme si vous essayiez d'observer une luciole à 1 mètre à côté du phare de Créache, donc en Bretagne, c'est le phare le plus puissant d'Europe qui est sur l'île d'Ouessant, et vous essayez d'observer ça depuis Moscou. Sur la photo là, je vous ai montré, c'est essayer d'observer une allumette à côté d'un phare qui se trouvera en Californie, et que vous essayez de l'observer depuis Hawaï. Donc tout ça pour dire que c'est des choses qui sont... C'est chercher un peu une aiguille dans une botte de foin, et ce qui explique que c'est finalement la méthode qui paraît comme ça la plus simple. On va tout simplement essayer de la regarder, cette planète, et qui en fait que c'est la méthode, une des méthodes les plus compliquées à faire, techniquement. La méthode actuellement la plus en pointe pour faire donc ces hauts contrastes, c'est d'utiliser des coronographes. Ça a été inventé il y a maintenant quasiment 100 ans pour observer la couronne du Soleil, en fait. On cachait le centre du Soleil et on observait ce qui passait tout près, donc par exemple la couronne du Soleil. Et d'ailleurs, vous avez je pourrais les mettre d'ailleurs en lien sur le dossier, vous avez une vidéo très marrante donc, de l'inventeur du coronographe Bernard Liou en 1920. Donc une vidéo en noir et blanc avec une voix de speaker et qui nous explique que on voit les immenses amas de feu qui montent vers le ciel et redescendent. Et c'est assez marrant d'écouter ça. C'est aussi ce qu'on observe pendant les éclipses totales. C'est ça. En fait, ce coronographe, c'est créer une éclipse artificielle. En fait, les gens qui étudiaient le Soleil avant Bernard Liou, ils avaient une belle vie parce que leur vie, c'était d'aller dans tous les pays du monde pour aller observer les éclipses une par une et en déduire ce qu'ils pouvaient analyser de la couronne du Soleil. Et Bernard Liou, c'est un peu celui qui a cassé la baraque et qui a inventé un instrument qui permettait de faire des éclipses à domicile. Donc comme ça, les gens qui faisaient du solaire ont dû rester chez eux et ont pu se faire payer des voyages avec nos impôts. Et donc, je ne sais pas si vous avez vu d'ailleurs, en parlant de coronographe, j'ai vu récemment, il y avait une comète qui s'appelait Ison, qui est passée tout près du Soleil, et on a vu des images d'Ison qui étaient en train de se désintégrer, donc qui allaient très très vite vers le Soleil et puis qui ressortaient de l'autre côté. Et ça, en fait, c'est des images coronographiques. C'est-à-dire que c'est des images qu'on a réussi à obtenir en cachant le Soleil et en observant. C'est pour ça qu'on voyait une grosse tache noire au milieu. C'est ça, la grosse tache noire, c'était le coronographe. Comment est-ce que les gens ont eu l'idée de... Enfin, non, je sais pas, mais les gens ont eu l'idée de reprendre ces vieux machins, donc, qui ne sont pas si vieux, parce que, comme je vous dis, ils sont encore utilisés pour observer la couronne du Soleil et ce qui se passe très près du Soleil. Et en fait, ils ont eu l'idée pour éclipser les étoiles et regarder les planètes. Pour le moment, on peut à peu près effacer une étoile qui est 10 millions de fois plus brillante que sa planète. 10 millions, je suis optimiste. 1 million, entre 1 million et 10 millions. Quel est l'avantage aussi? Donc, ça veut dire que pour le moment, on devrait à peu près avoir, avec un peu de chance, on devrait pouvoir, les derniers instruments qui sont en train d'arriver sur le télescope, là, devraient pouvoir détecter un Jupiter si on a du bol. Mais voilà. Toujours pas la Terre. Toujours pas la Terre, on en est encore loin. Encore une fois, là, j'ai dit qu'on était à 1 million voilà, environ en ce moment. La Terre, c'est 100 milliards, 10 puissance 11. Donc, on est encore du boulot avant la Terre. Qu'est-ce qu'on peut voir? Mais l'avantage quand même de cette méthode, même si on trouve quand même des trucs qui sont plutôt plus gros que les autres, c'est qu'on trouve des objets différents. Par exemple, on trouve des objets qui sont assez jeunes, parce que assez jeunes veut dire qu'ils sont chauds, et donc ils sont lumineux, donc ils éclairent bien. Donc ça, c'est pas mal. Et par opposition, par exemple, aux précédentes, et ça, c'est vraiment intéressant pour commencer à faire donc de l'histoire de la physique du système, des systèmes stellaires, c'est que, pour le coup, là, on a très envie d'avoir des trucs qui sont loin de leur étoile. Contrairement aux deux autres, parce que plus c'est loin de leur étoile, plus vous allez réussir à séparer les deux. Parce qu'encore une fois, c'est ce que je vous disais, là, il faut que ce soit c'est à quelques millièmes de degré d'arc, de degré dans le ciel. Donc plus c'est loin, plus... C'est pas exactement vrai, mais vous allez plutôt avoir tendance à détecter des objets très loin. S'ils sont très près, ils vont être complètement masqués par l'étoile. Et donc ça, c'est intéressant parce que, effectivement, c'est pas forcément des terres que vous allez trouver, mais ça va vous permettre d'avoir une image plus large, en fait, de ce que vous allez pouvoir observer dans un système. Et donc, commencer à faire vraiment une théorie, de comprendre, en fait, comment un système stellaire se forme. Parce qu'en fonction des planètes, à quel endroit on les trouve, en fonction des planètes, quel âge ils ont. Idéalement, en fait, avant même de trouver la vie, c'est quand même ça qui porte l'exoplanétologie, c'est vraiment de comprendre comment on passe d'un nuage de gaz avec, d'un moment, il y a une étoile qui se forme, après il y a des planètes qui se forment, et après on a un système comme le nôtre. Et donc, en fait, avoir un petit peu une fresque à différents moments de tous ces systèmes stellaires et vraiment bien comprendre comment ça marche. Avec cette technique, donc on en est à 44 planètes dans 40 systèmes différents, et c'est encore une fois la seule méthode qui permet d'avoir des images directement de la planète. Et donc, encore une fois, l'intérêt d'avoir accès aux photons, c'est qu'on va pouvoir faire ce qu'on appelle de la spectroscopie. Donc, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. C'est donc l'analyse de la lumière. C'est quelque chose qui est très bien connu sur Terre. Pour ceux qui ne connaissent pas trop, c'est un truc, une expérience que je donne assez souvent. C'est quand vous faites cuire l'eau des pâtes, vous avez mis du sel, toujours mettre du sel dans l'eau des pâtes, et vous avez mis un peu trop d'eau dans la casserole et que l'eau se met à déborder. Et vous allez voir quand elle tombe sur le feu. Il faut avoir une cuisinière à gaz aussi, ça ne marche pas avec... Quand elle tombe sur le feu, en fait, vous allez avoir un rayon vert qui va sortir. Le feu va devenir vert. Et ça, c'est à cause du sel de l'eau. C'est le sodium. Et donc, c'est un peu ça, en fait, la spectroscopie. C'est-à-dire que vous allez, en fait, à partir des couleurs qui vous obtiennent, vous allez pouvoir déduire des éléments. Vous allez pouvoir déduire des températures. Vous allez pouvoir déduire des compositions, par exemple de l'atmosphère. Vous allez pouvoir conduire des compositions de la planète et de la surface. Et donc ça, c'est là où on va vraiment faire de la science intéressante sur ces planètes et apprendre des choses. Là, je vous ai mis donc HR8799, où donc vous avez au centre ce que vous avez, donc c'est cette étoile effacée, finalement. Donc vous voyez qu'on a encore de la lumière. Et donc autour, on a trouvé 4 planètes. Donc ça, c'est 2006, et je crois que la dernière a été trouvée en 2008. C'est les 3 points orange, là, c'est ça? Les 4 points, en fait. Il y en a un haut à gauche aussi. Ah oui. HR87B, HR87... C, D et E a été trouvé en 2009. Et c'est aussi lumineux que ça quand on l'observe, en fait. Ouais, c'est aussi lumineux parce que c'est. Parce qu'on a caché tout. Parce que le centre n'est pas du tout caché. Si vous l'observez comme ça avec une lunette ou même avec un très gros télescope, vous ne verrez rien du tout. Vous verrez juste l'étoile. Donc c'est parce que là, il y a beaucoup de. Non seulement des méthodes de coronographie, mais aussi des méthodes de traitement d'image après qui ont permis de faire baisser la lumière de l'étoile qui nous parfait. Voilà. Ça me fait penser aussi, oui, que la question qu'on me pose souvent, c'est est-ce qu'on va pouvoir construire des télescopes assez gros pour observer directement la lumière, directement en fait la surface de ces planètes. Un peu comme vous avez déjà vu des images de la Lune prises depuis la Terre, des images de Jupiter, etc. Est-ce qu'on va pouvoir voir ça en fait depuis la Terre? Et ça, en fait, donc je vais être un peu décevant, c'est quelque chose qui va être assez difficile à faire. Donc si on prend par exemple la Grande Muraille de Chine, on considère, c'est vrai, mais comme la seule construction humaine qui est visible à l'œil nu depuis l'espace. Si on essaie de décrypter la Muraille de Chine sur la planète, sur l'étoile qui est la plus une planète qui tourne autour de l'étoile qui est la plus proche de nous, Alpha Centauri. Donc si on essaye de faire ça, en fait, il nous faudrait un télescope qui fasse la distance de la Terre à la Lune. Donc un énorme télescope. Et donc, en fait, on va réussir à trouver beaucoup d'informations avec nos télescopes terrestres et spatiaux. On va réussir à trouver beaucoup d'informations, mais on va pas réussir à voir la surface. Il ne faut pas imaginer qu'on va réussir à voir des océans et qu'on va réussir à voir de la même façon qu'on voit les mers sur la Lune, ce qu'on appelle les mers, enfin les cratères, etc., ou qu'on arrive à analyser Jupiter. Je vais revenir rapidement à une méthode qui est un peu particulière, mais qui permet de faire des détections un peu chouettes, qui est encore une méthode indirecte, c'est-à-dire qu'on ne voit pas l'étoile, mais qui est tellement indirecte en fait qu'on ne voit même pas la planète. On voit même pas ni l'étoile ni la planète. Donc c'est une méthode un peu compliquée théoriquement. C'est utiliser la relativité générale, et donc qui dit qu'une masse importante dévie la lumière qui passe à proximité. Donc vous allez observer un phare pendant longtemps, donc un phare, une planète, une étoile qui est très brillante dans le fond. Vous allez attendre, vous allez attendre, vous allez attendre. Et à un moment, vous allez voir cette lumière qui va se mettre à faire des trucs bizarres, donc qui va augmenter, diminuer, réaugmenter, et donc une sorte, voilà, qui va avoir un pic de luminosité. Et ça veut dire que, si vous voyez ça, ça veut dire qu'il y a un truc assez massif qui est passé entre vous et lui. Donc là, c'est pas une planète qui tourne autour de cette étoile de fond, c'est juste qu'il y a une étoile qui est passée entre vous et l'autre étoile. Et donc ça veut dire que, donc c'est encore une fois, c'est assez compliqué comme théorie, c'est de la relativité générale. Mais en fait, si vous voyez un pic de luminosité qui augmente, et puis après un autre petit pic juste tout de suite après, ça veut dire qu'on a peut-être une étoile plus une planète. Mais encore une fois, vous n'avez même pas vu l'étoile qui est passée entre vous et eux, et vous n'avez même pas vu la planète qui est passée entre vous et l'étoile. Et c'est des temps qui sont très courts aussi. Si le pic principal, donc l'étoile, c'est quelques jours, vous allez voir, ou quelques semaines, vous allez voir donc une augmentation de la luminosité de l'étoile, puis une diminution en quelques semaines. Et le second pic, c'est quelques minutes à quelques heures, donc un petit pouc comme ça après. On en a trouvé quelques-unes, on en a trouvé 25 dans 23 systèmes. Le problème, c'est qu'on voit que des trucs, c'est un peu paradoxal, mais on voit que des trucs qu'on ne voit pas. On n'a aucune idée de leur direction. On ne sait pas si de leur direction peut-être, mais on sait qu'on ne les reverra pas parce qu'on les voit qu'en observant le fond, quoi. Du coup, ça fait des détections qui sont assez uniques et non reproductibles, mais ça a l'avantage, par exemple, qu'on a pu voir des free-floating planets. Donc, c'est des planètes, en fait, qui sont donc en dessous de 13 masses de Jupiter et qui sont toutes seules, qui ne tournent pas autour d'étoiles. Et ça, c'était aussi un truc qu'on n'imaginait pas. Et en fait, on a commencé à... Pourtant, tu as dit que la détection, là, pour les faire, il fallait avoir une deuxième étoile, il fallait avoir une étoile. En fait, tu observes en permanence une étoile de fond. D'accord. Et tu regardes ce qui passe entre toi et cette étoile de fond. D'accord, ah oui, donc il peut passer des planètes. Il peut passer des planètes, il peut passer des étoiles, mais tu n'es pas obligé d'avoir... voilà. Et donc, on a trouvé donc, ce qui s'appelle les free-floating planets. Et donc ça a aussi fait évoluer notre vision de la création d'un système solaire. C'est que non seulement on a compris qu'il y avait des trucs qui se passaient, des planètes qui se formaient peut-être près du Soleil, puis qui migraient après, d'autres dans l'autre sens, etc. Mais il y a aussi des planètes qui peuvent se faire éjecter. Et donc, il y a même des gens qui cherchent les planètes éjectées du système solaire. En fonction de la date de création du système solaire, on regarde, on sait qu'elles sont à une certaine distance de nous. Voilà. Donc, c'est aussi quelque chose qui peut être fait. Voilà. Donc, on sait que ça existe, ces planètes éjectées. Enfin, on ne sait pas si... Plus exactement, on ne sait pas s'ils ont été éjectés. C'est une théorie parmi d'autres. Mais on sait que ces free-floating planets, par contre, on sait qu'elles existent. Voilà, je vais arriver à la conclusion. Je parlerai un petit peu après de zones habitables aussi, parce que c'est vrai que c'est une question qui est assez intéressante, même si on n'en est qu'au tout début de ce qu'on appelle l'exobiologie. Donc, il y a la biologie sur les exoplanètes. Enfin, on en est même au tout début, vu qu'on n'en a jamais trouvé. On ne sait pas ce que c'est, mais... et après, je ferai un petit bestiaire aussi de certaines planètes amusantes qu'on a trouvées autour de, pour le moment, donc parmi ces 1000 exoplanètes. Pour le moment, en fait, on a trouvé beaucoup de Jupiter chaude, en fait. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire déjà que, encore une fois, revenons à la surprise de Monsieur Mayor et de Monsieur Queloz quand ils ont, les astronomes suisses, quand ils ont découvert cette première planète, c'est qu'en fait, on a des planètes vraiment différentes que ce qu'on a dans notre système. Donc ça, c'est pour revenir au début de l'émission. Fontenelle imaginait que tous nos mondes étaient habités, etc. Nous, on imaginait qu'on pouvait trouver des Jupiter, elles seraient à leur place de Jupiter et elles seraient pas tout près de leur étoile. Et donc là, c'est aussi un biais, c'est que on pensait qu'en fait tout était pareil, tous les systèmes étaient pareils. Et dès la première qu'on a découvert, on a été très surpris. Ça veut dire aussi autre chose, ça veut dire que pour le moment, on a des biais instrumentés importants. On voit beaucoup de Jupiter chaude parce que c'est ce qui est le plus facile à découvrir. Donc quand on va affiner les méthodes, on va réussir à trouver d'autres trucs. Et encore une fois, donc certaines études statistiques disent que si vous tracez donc le nombre de planètes en fonction de la taille, et ben vous allez que trouvez, et ben vous voyez qu'il y a une augmentation, c'est-à-dire que plus on va petit, plus on en trouve, et donc plus on en trouve de plus petites, plus on en trouve d'une manière générale, mais aussi plus on en trouve de plus petites. Et donc c'est aussi un des champs de l'exoplanétologie actuellement, c'est de trouver ce état Earth, donc état Earth qui serait le rapport en fait entre le nombre de planètes terrestres sur le nombre de planètes totales, parce que c'est intéressant de trouver ça, voilà. Et donc c'est encore très débattu, donc je peux pas vous donner de nombre particulier sur ce état Earth, mais est-ce qu'on a une idée vague ou absolument pas? Encore une fois, on pense qu'il y en a de plus en plus, plus il y en a plus. Plus elles sont petites, plus il y en a. Je veux dire, est-ce qu'on a un ordre de grandeur ou même pas Peut-être qu'il y en a, mais je suis sûr que c'est très débattu. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui te donnent un truc du simple trip facile entre deux articles différents, quoi. D'accord. Donc, même actuellement. C'est pas quelque chose qui est fixe. En tout cas, on pense qu'il y a plus de Terre que de Jupiter dans l'univers. Voilà, donc ça c'est assez cool pour la suite. Ensuite, je voudrais parler de la zone habitable. C'est vrai qu'on entend souvent parler dans les journaux quand on trouve une exoplanète, elle serait dans la zone habitable, elle serait dans... Qu'est-ce que ça veut dire la zone habitable en fait? Ça veut dire que si vous connaissez les caractéristiques de l'étoile, donc la chaleur qu'elle diffuse et la distance entre la planète et l'étoile, eh ben, vous allez pouvoir évaluer avec les mains une température de surface. Et puis, si cette température de surface autorise l'eau liquide, c'est chouette, ça veut dire que vous allez avoir peut-être une possibilité d'eau liquide. C'est effectivement, on en parle dans les journaux, on a l'impression d'avoir trouvé une planète habitable. Mais encore une fois, c'est comme on ne sait pas s'il y a une atmosphère, ces phénomènes d'atmosphère peuvent créer des effets de serre, et donc il peut faire très chaud, très froid, en fonction de l'atmosphère qui est présente ou pas sur cette planète. Par exemple, on considère que Mars a eu une planète chaude et une période chaude et humide, où il y a eu de l'eau. Donc Mars, on considère qu'il y a eu un moment où... Et donc ça veut dire que Mars est dans la zone habitable du système solaire. Ça ne veut pas forcément dire qu'elle est habitable maintenant. Donc cette histoire de zone habitable, il faut faire attention, il faut le prendre avec des pincettes. On n'a pas encore trouvé d'eau sur d'autres planètes, mais on arrive à dire que certaines planètes seraient à la bonne distance, compte tenu de la température de leur étoile, seraient à la bonne distance de la planète. Un petit bestiaire donc d'exoplanètes que je vous ai fait, donc la plus proche de nous, donc c'est sur l'étoile la plus proche du Soleil en fait, qui est seulement donc Alpha Centauri, qui est seulement à 4,22 années-lumière. Donc années-lumière, c'est la distance parcourue par la lumière en une année. Donc, ça veut dire que si on leur envoie un message, ça arrivera dans 4 ans et demi. Donc ça possède une exoplanète. Alors là, accrochez-vous parce que je vais essayer de vous décrire le système. C'est assez compliqué. Hein. Donc c'est un système composé de 3 étoiles. Donc on va les appeler Alpha Centauri A, Alpha Centauri B et Alpha Centauri C, et d'une planète. Donc Alpha Centauri A et B tournent autour l'une de l'autre en 80 ans environ. La planète tourne autour de Alpha Centauri B seulement et s'appelle donc Alpha Centauri BB. Alpha Centauri C, donc la troisième étoile, est beaucoup plus petite et aussi très loin. Alpha Centauri C, c'est celle qu'on appelle Proxima du Centaure parce que c'est celle qui est la plus proche des trois de nous. Et donc, cette étoile Proxima du Centaure, donc Alpha Centauri C, tourne autour de Alpha Centauri A et B en même temps, en un temps compris entre 0,5 et 2 millions d'années. Donc ça me fait penser, moi, un peu à, vous savez, les pendules avec des trucs qui tournent autour de trucs, qui tournent autour de trucs. Donc c'est... Et donc, vous vous dites que cette planète, elle a sans doute beaucoup de couchers de soleil, mais on a trouvé mieux. Donc, moi, ça fait toujours penser à... Dans Star Wars, là, à un moment, il y a Luke Skywalker qui se lève le matin et il y a deux couchers de soleil en fond d'image. Et donc, on a trouvé une Kepler qui gravite en centre jours dans un système comportant 4 étoiles. Donc eux, ils sont situés à 5000 années-lumière de la Terre. Donc c'est pour ça, tout ça pour vous dire que 4,22 années-lumière, c'est quand même très très proche. Hein. Donc ce système-là, donc Kepler 64b, il a donc 2 étoiles de 0,41 et 1,5 masse solaire qui tournent l'une autour de l'autre. Autour de ce couple, à tous les deux, gravite une exoplanète, donc Kepler 64b. Et autour de ces 3 trucs-là tournent une autre paire d'étoiles qui tournent autour d'elles-mêmes. Donc ça fait des systèmes assez compliqués, mais c'est des trucs qu'on ne pouvait pas imaginer avant. Ça fait des beaux couchers de soleil. C'est ça. Mais c'est des trucs qu'on avait vraiment beaucoup de mal à imaginer. On pensait que les étoiles doubles, elles n'avaient pas de planète, quoi. Et en fait, on s'est aperçu que c'était très bien possible d'avoir des planètes autour de trucs assez tordus. La plus petite, donc je ne suis pas sûr sur le nom, c'est 0,3 rayon terrestre, donc quasiment le rayon de Mercure. Et celle-là, donc, elle a été trouvée par transit, c'est-à-dire qu'on l'a vu passer devant son étoile. Celle qui forme un système planétaire le plus important, donc je vous en ai déjà parlé aussi, c'est HD 10-180, qui a au moins 7 planètes et peut-être 9. Et enfin, un truc aussi assez étrange, donc une planète qui s'appelle 55 Cancri E, qui a été observée en transit et en vitesse radiale, et donc on a très bien pu la caractériser, et on a déduit de cette très bonne caractérisation donc un rayon rayon et une masse. Et donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on pouvait faire les deux. Et donc, si vous avez ça, vous allez pouvoir trouver une densité, donc une densité de la planète. Et on s'est aperçu qu'elle avait une densité assez importante. Et donc, il y a eu une étude qui dirait qu'elle serait peut-être constituée en fait de carbone pur. Et donc, le carbone n'est pas en particulier un des états du carbone, c'est le diamant. Et donc, il y a une étude qui propose donc que cette planète soit constituée de graphite, donc de carbone, une surface en graphite, et à l'intérieur un cœur en diamant, donc un gros diamant sur le cœur de cette planète. Donc elle est à quelle distance celle-là ? Je ne l'ai pas noté la distance de nous celle-là, mais c'est assez loin je pense pour que... Mais effectivement ça créerait une crise dans le cours du diamant assez historique je pense, oui. Et bah donc je vais finir aussi par celle dont on a des images, donc là je vous en ai déjà montré, HR8799 par exemple, il y en a d'autres, et ça fait souvent assez jolies images, qui seront donc mises dans le dossier, HR8799 et Beta Pictoris qui a été trouvé aussi par une équipe française en 2009, qui sont pour le moment les deux, on en a trouvé, je vous dis, une petite vingtaine en imagerie directe. Mais donc, on a directement des images. Voilà. D'accord. Bon, ben super. On a eu plein de questions d'auditeurs, même beaucoup trop. Je vais essayer d'en poser quelques-unes. Ça va être dur parce que ça parle pas mal entre spécialistes. Ah. Et ça parle aussi pas mal de n'importe quoi. J'ai vaguement passé ce que tu as fait rêver avec du Star Wars et compagnie. Donc. Surtout, il y a quelqu'un, il y a un oomph dans la chatroom qui a l'air de s'y connaître relativement, qui propose quasiment à chaque fois des réponses. Donc, du coup, ça a monté, quoi. Ça a entretenu la discussion. D'accord. Bon, il y a une question sur l'effet Doppler. En fait, tu as répondu qu'on était obligé d'utiliser l'effet Doppler parfois parce qu'il y a des différences de luminosité telles qu'on ne pouvait pas forcément faire autrement. Tu me dis si je dis une bêtise. Hein. Ce qui dit pourquoi on utilise l'effet Doppler, on ne peut pas mesurer directement le déplacement de l'étoile. Ah, pardon. Si, non, c'est une question intéressante. On peut effectivement mesurer directement le déplacement de l'étoile. Donc, c'est des très, très petites variations. Donc, il faut des instruments très, très, très précis. Mais un instrument qui s'appelle Gaia, qui a décollé au mois de décembre et qui, normalement, devrait exploser le nombre de planètes, littéralement. D'accord. Qui va observer non pas seulement l'effet Doppler, mais directement le mouvement. Et donc, c'est quelque chose qui est assez difficile à faire depuis la Terre, parce que, comme vous le savez, il y a l'atmosphère qui fait scintiller les étoiles. Et donc, l'atmosphère. Qui est assez embêtante et on vivrait beaucoup mieux sans, je trouve. En tout cas, les astronomes. Et donc, c'est quelque chose qui est assez difficile à faire depuis la Terre. C'est une méthode qu'on n'a pas encore trouvée, mais donc on pense que depuis l'espace, on va en trouver vraiment plein avec ça, juste en observant. Donc, c'est pour ça que, pour revenir, c'est pour ça que c'est plus difficile, c'est plus facile par effet Doppler depuis la Terre pour le moment. Mais il y a une mission qui a été envoyée en ce moment et qui va permettre d'en trouver un paquet normalement par cette méthode-là. D'accord. Toujours dans les questions de spécialistes, on passe maintenant à notre spécialiste modélisation qui dit on arrive à simuler des choses, qui est étonné qu'on arrive à simuler des choses quand il y a plusieurs étoiles. Il y a plusieurs planètes autour d'une étoile, malgré le problème à N corps qui fait qu'on ne peut rien dire au-delà de deux corps. Et qu'en plus, il dit les interactions gravitationnelles ne doivent pas être énormes. Oui, la question, c'est juste, on sait qu'à partir de trois corps, ça devient très sensible aux conditions initiales. C'est pas comme si, en fait, vous n'avez aucune information. Vous voyez quand même En gros, il faut imaginer que vous avez une vitesse moyenne de l'étoile et vous avez des variations de cette vitesse moyenne. Donc, vous savez que vous avez quand même une information que l'étoile fait quelque chose dans différentes directions, ça vous donne. Et donc, en fait, c'est un problème de minimisation, en fait. Vous allez mettre une planète, vous allez voir que ça ne colle pas exactement avec le modèle. Vous allez mettre deux planètes, vous allez faire tourner, vous allez voir que ça ne colle pas exactement avec le modèle. Vous allez mettre trois planètes, et vous allez continuer comme ça jusqu'à... Ah oui, donc ça favorise. Mais on ne part pas de rien. On part quand même... On essaye, en fait, de coller aux données, de faire coller aux données un modèle qu'on... Et on favorise, entre guillemets, les systèmes avec le moins de planètes possible. Oui. Toujours, forcément. Oui. D'accord. Si ça, c'est le truc en science assez classique de favoriser le plus simple quand vous avez. Non, mais je pense que la question était juste simuler un simulateur avec N corps. C'est vrai qu'a priori, on sait que c'est tellement sensible que. Oui, alors cette question-là se pose. Ça, c'est. J'imagine que c'est parce que les planètes jouent. On néglige les interactions des planètes entre elles ou quelque chose comme ça, non ? Oui, et puis même en fait, tout simplement, parce que ça, c'est un problème qui est intéressant si on essaye de revenir dans le temps, par exemple, et de chercher comment se trouvaient les planètes à une certaine période avant ou après. Là, nous, on a juste une photo actuelle et on cherche juste à faire coller au mieux avec la photo ce qu'on a. On n'essaye pas de voir une évolution sur un temps assez long qui, effectivement, serait beaucoup plus compliqué, qui dépendrait énormément des conditions initiales, effectivement. Ouais. D'accord. Question de Marty. Si on découvre de l'atmosphère, une atmosphère avec de l'O2, on peut conclure à la présence de vie ? Non. Pas spécialement, pas plus que... Il y a de l'eau sur Mars, il y a de l'eau sur la Lune. On parle plus d'oxygène, en fait. Pardon, de l'O2. Je pense qu'il y a aussi de l'oxygène. Oui, il y a du CO2 sur Mars. L'atmosphère est considérée de CO2. Ça ne veut pas dire grand-chose, en fait. Limite, on chercherait peut-être plus du carbone, mais... On sera convaincu de la présence de vie dans une exoplanète quand on verra de la vie. Alors, la vie sur les exoplanètes, c'est compliqué. Je pense que déjà, ce qui va pouvoir nous aider vachement, c'est de faire de la spectroscopie. Je n'en ai pas parlé sur l'image là, qui est encore là de la HR8799. On a commencé à faire les premiers spectres. Il y a des gens qui ont trouvé du méthane, je crois, sur HR8799B. On en a tout début, mais l'idée, c'est qu'on va réussir, encore une fois, là, avec le système de l'eau des pattes qui fait devenir vert le feu, on va réussir à trouver des éléments différents. Donc, réussir à trouver de l'eau, réussir à trouver. Ça va venir, c'est sûr. Après, en déduire qu'il y a de la vie, moi, je ne suis pas du tout spécialiste d'exobiologie, mais je pense que ça va être quand même nettement plus compliqué de réussir à trouver à partir d'une somme d'éléments est-ce qu'il y a de la vie ou pas. On n'est même pas capable de le faire sur Titan. On ne sait pas si, par exemple, il y a des gens qui disent qu'il y a peut-être de la vie sur Titan parce qu'on pense qu'il y a des océans de méthane, mais on n'est pas capable de voir alors qu'on a déjà envoyé quelque chose dessus. D'accord. Et ça, c'est des trucs où on ne pourra jamais envoyer quelque chose dessus. Donc voilà. Ouais. Une question, alors, le télescope spatial James Webb va aider à la recherche d'exoplanètes ou pas? Oui. Alors, James Webb, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le remplaçant d'Hubble, donc James Webb Space Telescope, qui est un truc assez impressionnant. Hein. C'est, son corps fait la taille d'un terrain de tennis, à peu près. Et en fait, il va arriver là-haut. Et comme son miroir était trop gros pour la fusée, en fait, il va se déplier pour faire un miroir qui fait 5 ou 6 mètres, je crois, de diamètre. Donc, vraiment un énorme machin. Et donc, dans ce miroir, d'ailleurs, c'est dans l'équipe dans laquelle je bosse, ils ont mis des coronographes. Donc, c'est ces machins dont je vous parlais, là, qui ont été inventés il y a 100 ans à l'Observatoire de Paris pour cacher le Soleil. Et donc, il y a des coronographes sur le James Webb Space Telescope pour commencer à faire de l'observation de planètes. Donc, deux choses, oui. Donc, le James Webb Space Telescope, il est prévu pour 2016, mais il va encore avoir du retard. Et aussi, pour répondre complètement à la question, on n'a pas réussi directement à trouver des planètes avec Hubble en imagerie donc directe. Par contre, une fois qu'on savait qu'elles étaient là, on a réussi finalement il y a eu beaucoup de développement d'une méthode de traitement d'image, en fait. Et donc, on a réussi à trouver, je crois, des planètes avec Hubble récemment, mais à posteriori. D'accord. David Loureiro demande si l'interférométrie peut pas permettre d'avoir des très grands télescopes virtuels. Alors ça, il y a tout un débat sur l'interférométrie. Moi, personnellement, je ne sais pas ce que c'est. Et ils ont toute une discussion. Alors, l'interférométrie. Rapidement, ouais, parce qu'on... Rapidement, c'est un truc qui est, c'est un truc qui est très, très dossier, ancien. Ouais. Alors, l'interférométrie, ça veut dire qu'en mettant deux télescopes et qu'en les éloignant de 100 mètres, c'est pas équivalent à avoir un télescope de 100 mètres de diamètre. Mais vous avez des propriétés qui s'en rapprochent. Donc ça, c'est très intéressant. Mais on parle beaucoup de l'interférométrie spatiale, c'est-à-dire de mettre, au lieu de mettre un Hubble, bah, vous en mettez deux qui sont éloignés de 2000 km. Et donc comme ça, vous allez avoir des trucs super, etc. Donc l'interférométrie spatiale, ça fait très longtemps qu'on en parle, mais c'est très très difficile au niveau technique. C'est-à-dire qu'on est encore au balbutiement de ce qu'on appelle les vols en formation. Et la plupart, il y avait un projet, ça a été un truc qui a réparu tous les ans depuis des années, qui s'appelle Darwin, et qui commence vraiment à... Là, les gens se disent, bon, ça y est, il faut qu'on arrête et qu'on passe à autre chose, c'est pas possible de faire ça, voilà. Darwin, enfin pour le moment. Donc l'interférométrie spatiale, c'est pas vraiment possible. Après, pour le moment, c'est vrai qu'en imagerie direct, on s'oriente plutôt vers des trucs avec un seul télescope. Après, à terme, oui, effectivement, le jour où ça sera possible, on pourra faire mettre une constellation de 400 satellites éloignés de milliers de kilomètres et ça sera sans doute super. Mais pour le moment, c'est vrai que c'est encore quelque chose qui est de la science-fiction. Bon, sinon, on a une question de Oumph qui, lui, aimerait que tu nous parles d'optique adaptative. En fait, c'est exactement sur quoi je bosse. Donc, c'est... L'optique adaptative, en fait, c'était utilisé pour corriger les variations de l'atmosphère, en fait. Donc, quand on essaie d'observer depuis la Terre, on essaie de corriger les variations de l'atmosphère. Et donc, la coronographie est très sensible aux erreurs introduites par l'atmosphère. Donc, ça veut dire que vous allez vouloir, en fait, corriger ces erreurs pour pouvoir avoir des coronographes qui sont... C'est le même coronographe, sauf que si vous avez des erreurs introduites par l'atmosphère, vous allez avoir un coronographe avec des performances pourries. Tandis que si vous avez corrigé ça... Et donc, comment est-ce qu'on va faire pour corriger ? Et bien, en fait, on va... En temps réel, en fait, on va mettre un miroir qui permet de se déformer, qui peut se tordre. Et en temps réel, en fait, vous allez pouvoir réussir à corriger en fait les aberrations introduites par l'atmosphère. Voilà. Et donc, en particulier pour les coronographes, c'est très intéressant l'optique adaptative. Et donc, c'est un truc qui existe depuis maintenant une trentaine d'années, l'optique adaptative, mais ça marche très très bien. Et on va commencer d'ailleurs à en envoyer dans l'espace, parce que en fait, on s'aperçoit que ces aberrations, donc j'ai appelé ces déformations de la lumière, et ben par exemple, elles sont aussi introduites par, je vous ai parlé tout à l'heure du miroir du James Webb Space Telescope, donc le prochain télescope de la NASA qui était dépliable. Le problème de ce miroir dépliable, c'est qu'entre les trous du miroir, vous allez introduire des discontinuités, et que ces discontinuités-là, en fait, vont créer des aberrations. Et donc, à terme, on va aussi envoyer des miroirs déformables dans l'espace pour faire de l'optique adaptative dans l'espace et avoir des meilleures performances de nos instruments. D'accord. Vas-y, Robin. Bah, je crois que oui, voilà, faut terminer. Donc, pour achever, on a quand même Marty dans la chatroom qui a eu une remarque très, très pertinente, je trouve. Il dit, dans environ 10 000 ans, il met la pression, il vous met un peu la pression, hein, faut bien reconnaître. Il dit, dans environ 10 000 ans, on aura répertorié toutes les espèces de la Terre. Donc, si on pouvait accéder à de la vie extraterrestre à ce moment-là, ça serait top. Sinon, les biologistes systématiques vont se retrouver au chômage. Et je pense qu'effectivement, il faut avoir ça en tête quand on cherche des exoplanètes. Et dans les façons de mettre la pression, il y avait aussi Jonathan, là, de VoyageCast. Je crois qu'il n'y a pas que lui, hein, mais qui avait dit que c'est bien gentil d'essayer de chercher de l'eau sur les autres planètes, mais c'est quand on trouvera de la bière que ça commencera à être intéressant. Exactement. Si on arrive à trouver dans le spectre de l'eau et le spectre de l'orge, on est sauvé. Ok, bah, donc s'il n'y a plus de questions, on va passer à la suite. Et la suite, bon, tu peux intervenir quand tu veux, sauf justement maintenant, vu qu'on va écouter un pitch audio pour la semaine prochaine de Vincent Judis. Bonjour à tous, je suis Vincent Judis et je travaille en tant qu'ingénieur de recherche en biologie. Un jour, j'ai contacté Alan en lui disant qu'il manquait de biologie dans son podcast. Et il m'a répondu, ben, viens faire un dossier. Alors, me voilà ici pour vous parler d'ADN. Comme vous le savez sûrement, l'ADN est la molécule commune à tous les êtres vivants. C'est également le facteur de l'hérédité. Depuis des siècles et des siècles, l'hérédité fascine. Des grands noms de l'Antiquité, comme Aristote, se posaient des questions sur ce mécanisme. C'est seulement au XIXe siècle que des réponses commencèrent à être apportées. De Mendel à Watson et Crick, en passant par Avery, je vous propose d'effectuer un petit voyage dans le temps à la rencontre des pionniers de l'ADN. Nous nous promènerons à travers le temps jusqu'à aujourd'hui, où nous verrons que les scientifiques ne manquent pas d'imagination pour utiliser l'ADN. Sur ce, à la semaine prochaine. Ben voilà, donc encore un bon gros dossier la semaine prochaine sur l'ADN. On en revient avec trois épisodes sur toutes les bases, là. Le petit, le grand, le loin et puis l'ADN. On passe tout de suite à la côte. Alors comme on a un invité qui fait très bien son travail, il nous a même préparé une côte. Alors la quote, je voulais revenir à Giordano Bruno. Donc encore une fois, c'était le Brevard de l'astronomie, donc qui est un peu notre saint martyr parce qu'il est mort pour ses idées. Et donc pour ceux qui étaient un peu déçus que je pouvais pas plus conclure finalement sur ces histoires de vie, donc qui dit il est impossible qu'un être rationnel suffisamment vigilant puisse imaginer que ces mondes innombrables, aussi magnifiques qu'est le nôtre ou encore plus magnifiques, soient dépourvus d'habitants semblables et même supérieurs. Donc ça, c'est Giordano Bruno en 1584, donc, qui nous dit qu'on trouve des mondes qui sont tous plus magnifiques les uns que les autres, donc c'est sûr qu'il y aura des habitants et qui seront même supérieurs à nous. D'accord. Ça aussi, j'imagine que dire qu'il y a des habitants qui seront supérieurs à nous, c'est pas top top au niveau de la religion, parce que non, gens, forcément, ils ont entendu parler de Dieu, quoi. Ils jouaient quand même vraiment avec le feu, hein. C'était pas... C'est le cas de le dire. Il y a joué jusqu'au bout, quoi. Bon, puis de toute façon, maintenant, on sait qu'aucun d'entre nous n'est rationnel en plus, de toute façon, mais... Comme tu sais qu'en plus, j'avais été scié quand j'avais préparé sur les infiniment petits, ne serait-ce que dire que les infiniment petits existent, tu risquais de bûcher. Alors là, franchement... Bon, ben, merveilleux comme côte. Parfait. Pour répondre à une question de la chatroom, la semaine prochaine, on passe à la nouvelle horaire, entre guillemets, c'est-à-dire que ce sera le mercredi à 20h30, le podcast. Et l'autre question de la chatroom, le freestyle, si je ne me trompe pas, c'est le 19 février, ce qui veut dire qu'en gros, c'est pas la semaine prochaine. C'est dans 3 semaines, alors. C'est dans 3 semaines, voilà. Il a été décalé d'une semaine pour une super raison, vous en saurez plus un peu plus tard. Pour une excellente raison. Pour une excellentissime raison. On passe au don. Merci, bah oui, merci à tous ceux qui nous aident ponctuellement ou de façon récurrente. Donc, il y a par exemple Sylvain qui nous a aidés de manière récurrente. Il y a Irène qui, tout fraîchement recrutée, a participé de manière récurrente. Merci Irène. De rien. Il y a Guillaume. Alors Guillaume qui nous a fait quand même un don, faut quand même en parler. Je sais pas si on donne la valeur, mais faut donner quand même. En fait, j'ai pas compris le lien. J'ai pas compris non plus, mais je pense qu'il s'est planté sur le calcul, donc donne pas la valeur. Ouais, c'est... Mais j'aime l'esprit. Voilà. Dit en complément de mon abonnement récurrent, voici un complément pour couvrir les 3 années que j'ai passées en compagnie de votre podcast. La somme n'est pas aléatoire ni infinie, mais je n'ai pas pu résister à vous donner pi fois le nombre de podcasts que j'ai écoutés divisé par 10. C'est quand même la grande classe. Tout à fait carré. Sinon, il y a Jonathan qui a fait un don aussi. Yves. Mathieu, Emilien, Alain, Kramnik, Pascal, Sébastien. Sébastien qui était le premier don. Donc merci à tout le monde. Continuez à faire des dons ou de nous faire des dons en nature. Je vais en parler tout de suite. Il y a même des gens qui nous ont aidés, qui continuent à nous aider. C'est merveilleux. Pour le départ d'Alan qui a été fait en grande pompe, il y a eu plein de super messages sympathiques. Donc on vous en a sélectionné quelques-uns. Et on en reparlera sans doute aussi au freestyle. On a déjà un message de quelqu'un qui s'appelle Voyage Cast. Moi, je dis partir sur un extrait de Star Wars et la musique du Roi Lion, c'est la grande classe. Déjà dit en privé, mais merci pour ton job, Alan. Tu es clairement un modèle pour ce qui est du sérieux, de l'implication et du sacrifice total pour le podcast. Podcast Science et ton travail ont été une inspiration pour mon podcast. Donc, merci pour tout. Je t'attends au tournant pour de prochains dossiers passionnants. Félicitations aussi pour le nouveau dictateur et pour l'équipe. Vous allez bien souffrir pour maintenir le podcast à son haut niveau, mais vous êtes des pros. Alors, ensuite, on a Lipki. Lipki qui dit « Ça y est, je n'ai plus la gorge nouée. Je me suis mouché, j'ai séché mes larmes, mais j'ai encore les yeux rouges. Bonnes vacances. » Ça, c'était gentil aussi. Alors là, on a Julien Patate. Bon courage pour la suite. Ensuite, on a Thomas. Thomas qui dit « Bonne continuation au dictateur retiré Alan Von Lathen. Bon courage au nouveau patron Nicotube et surtout longue vie à Podcast Science. » Et enfin, on a B. Kurdi. Merci pour tout ton boulot, Alan, et bravo pour ta sage décision. J'ai aussi bien noté la bonne nouvelle. On peut maintenant te donner rendez-vous plus facilement, pour les Suisses en tout cas. Je me réjouis donc de te voir bientôt away from microphone. J'essaye avec mon super accent. Et plein de succès et au nouveau dictateur. Comme il est bourré de talent et bien entouré, je ne me fais pas franchement de soucis pour la transition. Voilà, c'est bien, il y en a qui sont angoissés et d'autres qui ne le sont pas, mais c'est gentil. Je pense qu'on va juste conclure par longue vie à Podcast Science. Hein. Voilà. Et de toute façon, je suis sûr qu'on va continuer à voir Alan pas trop loin. Oui. Au moins pour des dossiers. Parce qu'en fait, je suis sûr qu'il va veiller sur vous comme une maman poule. Il prend du temps pour lire des gros bouquins et nous faire des super dossiers, je suis sûr, en vrai. Mais il faut juste qu'il fasse comme moi certaines fois. Il faut qu'il vienne en mode parasite. Il n'a rien préparé, mais il vient juste parler. Voilà. On passe au plug et à quelques liens. Donc le premier plug, c'est un merci à Palkamets qui a corrigé le bug de la chatroom qui devait bien vous embêter, à savoir que quand un nouveau message arrive, ça ne scrolle plus forcément en bas, comprennent ceux qui sont concernés. Au passage, un petit mot pour dire que Podcast Science est sur GitHub, vous pouvez joyeusement récupérer le code de la chatroom et participer, l'améliorer, nous proposer des choses, voilà. Sinon, un autre plug sur l'IRL de FreePod ce dimanche, donc c'est la première IRL in real life de FreePod, ça se passe à Paris, c'est au dernier bar avant la fin du monde, le nombre de places est limité, alors dépêchez-vous, j'y serai au moins, je sais pas si Robin tu y seras, c'est un moyen de voir tout plein de podcasteurs du groupement FreePod, donc il y a tout plein de podcasts sympathiques, voilà. Alors sinon a priori on a oublié un message pour Alan, donc on se fait rappeler à l'ordre, c'est un message de Xavier Durussel, qui dit, je te laisse le dire, Robin. Franchement, avec Nicotube aux commandes, vous pensez pas que Podcast Science va droit au crash test? Bon, il précise qu'il plaisante, mais on s'en doutait un petit peu. Ouais, il plaisante pas trop, hein, parce que à 1 heure du podcast, mon ordinateur voulait plus démarrer. Hein, donc. On peut peut-être rappeler le quiz du mois, parce qu'on a peu de participation, donc n'hésitez pas à participer au quiz du mois, faites-nous des jolis messages. Donc le quiz du mois, on le rappelle, c'est « On peut sauver des vies par simple transplantation de matière fécale, info ou intox ?» Non mais j'allais dire, c'est vrai que c'est quand même assez, c'est quand même bizarre comme question, quoi. J'imagine qu'effectivement pour les auditeurs, c'est une vraie question. C'est une vraie question. Alors, c'est un quiz de l'époque d'Alan, donc à l'époque forcément c'était des intox. Hein. Pour participer, vous envoyez des messages soit par mail à podcastscience@gmail.com, soit sur le formulaire de contact du site, soit par Twitter, Facebook, Pigeon Voyageur. Messages de fumée, etc. Soyez originaux, on adore ça. Et vous embêtez pas trop avec les explications scientifiques. On s'en charge. Voilà, il nous reste plus qu'à conclure cette fois-ci. Comme d'habitude, que vous ayez aimé ou pas, surtout, dites-le nous, inondez-nous de courriers, de commentaires, de likes, de pas de like, ça n'existe pas, mais si vous n'en mettez pas, on comprendra aussi. De tweets, de retweets, de clins d'œil, de cadeaux de Noël, de massages, tout ça. Vous pouvez donc faire tout ça sur le site de Podcast Science, Facebook, Twitter, iTunes, SoundCloud, bref, sur tout l'Internet mondial. Allez-y, ne vous gênez pas. Voilà, si vous voulez retrouver Johan, ben, je crois que vous ne pouvez pas le retrouver sur grand-chose, à part peut-être des publications scientifiques. Tu n'as pas de blog ou autre. Donc, ce sera principalement sur Podcast Science pour l'instant. Et puis, éventuellement, des publications scientifiques passées et à venir. Et sinon, donc, ben, merci à tout notre auditeur et Trice chérie d'être fidèle au poste chaque semaine. On se retrouve mercredi 5 février avec Alan et Vincent Judis pour parler de l'ADN. Et d'ici là, bonne semaine à toutes et à tous et que servir la science soit votre joie. Au revoir tout le monde. Au revoir. Salut. Par contre, moi, je suis pas au point encore. Hein. Techniquement, tout a failli planter. J'ai oublié d'enregistrer le début. Enfin, bon. Et puis bon, faut que tu apprennes à articuler quand tu lis, quoi. Oh putain, le début, là, ça va. J'ai envie d'avoir la pression un peu. Le déchu, il dit bravo tout le monde. C'était un plaisir de vous entendre. Ah. Oh, tu parles. Oh, t'es... Bonjour. He's alive. Voilà, bah écoute, merci beaucoup pour ce dossier. Je crois qu'il n'y a plus de questions à la chatroom, c'est en train de parler de SUS, donc il ne doit pas y avoir... Oui. Juste deux mots, c'est pour le montage après, et c'est pas trop toucher la table, parce que ça fait des bruits. Et quand tu tournes les pages, essaie de pas parler en même temps, voilà, ce sera pour les deux mots techniques. Pas de soucis, en fait, tu merci. Peux tourner les pages, faire le bruit que tu veux, mais il ne faut pas que tu parles en même temps, sinon on ne pourra pas le séparer. Le couper. Voilà. Retour en direct. Très bien. Moi, j'aurais une question, en fait. J'ai écouté, il n'y a pas longtemps, je suis allée à une conférence de Brian Greene sur la théorie des cordes, et je voulais savoir ce que tu en pensais, en fait. Ah, c'est assez très éloigné de mes domaines de compétences. J'avoue que ce... Tu ne connais pas vraiment. J'ai pas vraiment d'avis. C'est des théories physiques qui sont... Oui, pardon. En fait, l'idée, c'est quand même d'essayer de prévoir si effectivement il y a une forme de vie quelque part, s'il y a des mondes parallèles, etc. Quoi. Ah, au sens. En tout cas, sur la vie, je pense qu'il n'y a pas particulièrement d'apport de la théorie des cordes. Après, c'est vrai qu'effectivement. Mais nous, ce qu'on cherche, en fait, c'est des objets. La théorie des cordes intervient donc à ce qu'on appelle l'échelle de Planck, qui est à 10 puissance moins. Je dirais 32 ou 31 mètres, je sais pas exactement. Donc, c'est des échelles qui sont vraiment très petites. Et donc, pour nous, c'est vrai que c'est... Nous, on cherche des planètes... C'est de la physique très classique. Hein, parce qu'en gros, à part certaines méthodes qui utilisent de la relativité générale, on est dans de la physique du 19e siècle et avant. Donc, c'est quand même assez... Finalement, c'est des choses qu'on aurait pu faire depuis longtemps, mais qui ont été faites que parce qu'on avait le développement technique qui a suffi depuis 20 ans. Donc, c'est pour ça qu'on a réussi. Mais donc, c'est des théories assez bonnes, assez solides. Donc, c'est pour ça que finalement, je ne connais pas trop tout ce qui est théorie des cordes ou même finalement de la physique quantique, qui est une théorie assez vieille aussi maintenant, qui commence à être bien vieille, mais que moi, perso, je n'utilise pas du tout parce que on est sur des objets gros, on sait bien comment ça marche. On utilise tous les jours des lois de Kepler, donc qui datent de 400 ans. Ouais. Donc, c'est des objets gros, c'est de la physique très classique et très... Donc, désolé, mais je ne suis pas du tout spécialiste de théorie des cordes. Non, mais c'est intéressant, c'est complémentaire, je dirais. C'est vrai que j'ai l'impression que peut-être que lui, c'est plus théorique, alors que toi, c'est plus pratique, l'approche. Voilà. Enfin, voilà. Merci en tout cas. Ah.